Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 3h. C'est rien, mais c'est nous deux bâtir demain. et vouloir être vieux, puis faire le bien, mais t'as tout renversé. Vous écoutez ici. Les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra. comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire. Facile à faire. Vous écoutez ici. Les conseils, les bons plans, à tout moment. Vous avez déjà vu votre chien avaler quelque chose qu'il n'aurait pas dû ? Que faire dans cette situation, docteur Pierre Fabin ? Alors, il est important de ne pas paniquer pour réagir efficacement. Je sais, c'est pas facile quand on voit Médor jouer les aspirateurs. Tout d'abord, observez votre chien. S'il s'étouffe ou s'il tousse, c'est le signe que l'objet est coincé dans ses voies respiratoires. Tentez une méthode de Heimlich. Mettez-vous derrière votre chien et passez vos mains de chaque côté de ses flancs pour qu'elles se rejoignent sous son abdomen. Ensuite, exercez une poussée abdominale vers le dos et la tête de votre chien en enfonçant toniquement vos deux mains. S'il ne recrache pas l'objet, essayez enfin trois grosses claques au niveau de son dos et foncez chez votre vétérinaire si ça ne marche toujours pas. S'il n'arrive pas à manger ou à boire, c'est qu'il salive ou tente de vomir en permanence, mais que rien ne vient, c'est que l'objet est bloqué dans son œsophage. Là, c'est pareil, direction le véto, mais sans rien faire avant. Par contre, si votre chien semble en pleine forme après avoir avalé l'objet, ne tentez surtout pas de le faire vomir vous-même. Certains objets, comme les os pointus, peuvent causer des dégâts graves en remontant. Tous les objets avalés sont-ils dangereux ou y en a-t-il qui passent sans problème ? Alors tout dépend de l'objet et de la taille de votre chien. Une chaussette avalée par un chihuahua n'aura pas le même effet qu'un labrador qui ingère un noyau de prune. Les petits objets lisses comme une bille ou un bouton peuvent parfois passer sans problème, mais les objets pointus, toxiques ou volumineux comme des os, des piles ou même des jouets posent un vrai danger. Le souci, c'est que certains objets restent bloqués dans l'estomac ou les intestins de votre chien et que ça va causer une obstruction. Votre chien va avoir des douleurs au ventre, vomir et arrêter de manger. Et là, il faudra l'opérer en urgence. Pour les objets longs, comme les bouts de ficelle ou un collant, c'est encore plus compliqué. Ces objets peuvent s'enrouler dans les intestins et causer des lésions graves. Au final, même si votre chien a l'air d'aller bien, mieux vaut demander son avis à votre vétérinaire pour qu'il vous dise si l'objet peut passer ou non. Et justement, si on se retrouve dans cette situation, que va faire le vétérinaire ? En fonction de sa taille, de sa nature et du moment de l'ingestion, plusieurs options sont possibles. Si l'objet a été avalé dans les 5 heures qui précèdent, il est encore probablement dans l'estomac de votre chien. S'il n'est pas pointu, votre vétérinaire fera probablement vomir votre chien avec une injection. Si l'objet est pointu, il fera peut-être le choix de le retirer par endoscopie. C'est une technique où on passe une petite caméra pour récupérer l'objet. Mais si l'objet est descendu plus bas et cause une obstruction, la chirurgie devient souvent nécessaire. Dans tous les cas, le vétérinaire évalue la situation pour choisir la méthode la plus sûre. Et c'est aussi pour ça qu'il est essentiel d'agir rapidement. Plus on intervient tôt, moins il y a de risques de complications. En résumé, si votre chien mange un objet étranger, observez-le, ne tentez pas d'intervention maison et demandez toujours son avis à un vétérinaire. Et pour éviter ce genre de mésaventure, pensez à sécuriser votre maison. On range les chaussettes, on surveille les jouets et on ne laisse rien traîner à portée de truffe. Ici. Elle veut un amant, un amour différent. Masque-toi pour elle, reste son partenaire. Même si elle est en colère, ne bouge pas, reste à terre. Comme un boxeur KO, un round de trop. Son homme, tu es sa chose, tu es son homme, son chien fidèle, tu es son homme. Tu es son homme, sa bête de somme, tu es son homme, mordant ses draps, tu es son homme. La lune brille trop. Il descend bientôt. Elle voudrait dormir à la cible, prête à cueillir tes rires, tes larmes et tes sanglots. Tu n'es rien moins qu'un zéro. Comme un boxeur KO, un round de trop. Sa chose, tu es son homme, son chien fidèle, tu es son homme. Tu es son homme, sa bête de somme, tu es son homme, mordant ses draps, tu es son homme. Sa chose, tu es son âme, son chien fidèle, tu es son âme. Tu es son âme, sa bête de somme, tu es son âme, meurs dans ses bras, tu es son âme. ICI. Vous écoutez ICI. Croire.

ici. ICI. Vous écoutez ici. Votre radio locale, toujours avec vous. Depuis deux semaines, chaque lundi soir, vous avez rendez-vous avec Tom Villeneuve, un avocat comme vous n'en avez jamais vu. C'est le héros de la nouvelle série TF1 du lundi, Carpe Diem. Tom Villeneuve, joué par Samuel Le Bihan, accusé à tort du meurtre de sa femme, qui vient de passer 17 ans en prison. Il a profité de ses années enfermées pour se former et devenir avocat. À peine sorti, il est bien décidé à découvrir qui est le véritable meurtrier de sa femme, tout en prenant en charge des affaires qui sentent bon l'injustice, ambiance. C'est vous l'avocat ? Tom Villeneuve, enchanté. Lucie Meunier, qu'est-ce que vous voulez ? Mon client est innocent. Vos méthodes sont douteuses, mais... Là. Mais... Efficace. J'ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Bon, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un avocat comme les autres. J'ai passé le barreau. En prison, je sais. Vous venez de purger une peine de 17 ans pour le meurtre de votre femme. Si la société considère que tu as payé ta dette, moi pas. Ne t'approche plus jamais de Zoé. C'est une sacrée histoire, hein. Ça donne vraiment envie de savoir la suite. Eh bien, Régis, restez dans le coin, vous serez aux premières loges. Voilà, aux premières loges aussi, Barbara Schulz qui joue la capitaine Lucie Meunier, obligée de se coltiner cet avocat pas comme les autres. Barbara Schulz, qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle de policière un peu particulière? Alors, on va dire que les capitaines de police qui ont affaire à des types un peu spéciaux, je l'ai pas mal pratiqué, donc je connais bien. Non, là, principalement, ce qui m'a plu, c'était de retrouver Samuel Lebihan, avec qui j'avais joué au théâtre, et que j'adore. C'est un super acteur. Et la perspective d'avoir que des séquences à jouer avec lui, voilà. C'était très bien écrit, c'est très amusant, c'est solaire, c'est... Bah, c'est tourné dans le sud de la France. C'est tourné dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce Tom Villeneuve, là, qui déboule après 17 années de prison? Bah, c'est toujours le même. Je vous dis, c'est moi, principalement, qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps à dire, écoutez, ne m'emmerdez pas, laissez-moi faire mon enquête. Et au final, si le type n'était pas là, j'arriverais pas à trouver le coupable. Et je finis toujours par dire, bon, ok, vous aviez raison. Et en plus, il y a un petit peu de séduction. Vous voyez, voilà, c'est ça le... C'est ça le ressort de Carpe Diem, la série de TF1 avec le duo Samuel Lebihan et Barbara Schulz. Ce lundi, c'est la fin de cette première saison. Et puis, notez aussi que vous pouvez retrouver Barbara Schulz au cinéma et derrière la caméra. Elle vient de sortir son premier film, Le secret de Khéops, un bon film à voir en famille. Comme Carpe Diem. Ici. Pour qu'elle penche la tête vers moi doucement, qu'elle sente dans mon cœur les sentiments, pour que dans ses fatigues, ses sommeils, y ait que moi. Ces variétés que je traîne, c'est tout simplement pour que ma fiancée m'aime, que la réserve de baisers qu'elle a, que tous les messages que son cœur envoie, que tous ces aïe sur ma joue, my sang. Singer, moi tout ce qui signe, ça plaît. Voilà pourquoi tu boues. I sing my song of you. Pour que les beaux bateaux, les jolis avions, la laisse tranquille rêveuse à la maison. Que ses itinéraires, toutes ses croisières, ce soit moi. Ordinaire pour qu'au terminal à l'arrivée on part, on se dise youpi youpi, on part encore. Après le grand bye bye, je lui chante encore my song of you. C'est pour ses cotignons, c'est de la colle chantée. Pour que tu partes jamais, que tu dises à tout le monde, ce guimauve singer, moi tout ce qui signe, ça me plaît. Voilà pourquoi tu boues. I sing my song. C'est pour ses cotignons, c'est de la colle chantée pour que tu partes jamais, que tu dises à tout le monde. Écoutez, ici. Logical, oh, responsible, practical, and then. ICI. Vous écoutez ICI. Mon fils va au collège, il va bientôt partir de la maison. Il est passé de bébé à, disons, jeune en 2 secondes. Cet enfant, c'est comme les vacances, avec son frère, ils s'entendent bien. Souvent, je me dis que j'ai de la chance quand je les vois se marrer dans leur coin. Mon père va bien, il a pas de maladie, on se voit jamais, on a chacun sa vie. On s'aime en vrai, pas de grand conflit, que des regrets, de la nostalgie. J'ai dans mon lit la femme de ma vie, elle s'était barrée puis elle m'a repris. J'essaie de l'aimer comme il faut depuis, bientôt tout ça, ça va se casser la gueule. Y'a rien de plus passager qu'un ciel bleu, bientôt tout ça, ça va se casser la gueule. C'est normal, c'est la vie, ça se termine à un moment, c'est le jeu. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de repeindre le salon, c'est l'heure de prendre des billets pour le Japon. C'est l'heure de se demander ce qu'on ferait si on était moins con. Ce qu'on ferait si on était moins con. Qui on irait voir si on était moins con. Qui pardonnerait si on était moins con. À qui on ferait bien de demander pardon. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. C'est plus l'heure pour moi, c'est plus l'heure d'essayer de comprendre. Le monde a muté tellement de fois, depuis 43 ans que je la repente. Il me reste trop peu de vie pour le changer. Trop peu de vie pour le juger. Je vais passer le temps qui me reste. Pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. Connecté avec vous. Bonjour à tous. Ça, c'était le bruit de notre cœur quand il s'emballait trop vite quand c'était l'heure du slow pendant la boum. Attention, chute à cet ennemi. Préviens le bloc et qu'on monte sur le champ. Malgré ses indiscutables vertus pacifiques, le slow est menacé de disparition. Dans les discothèques, chez les potes, dans les mariages, on le raye des playlists. Pourtant, c'était une bonne technique de drague pour les timides. Vous aussi, quand vous pensez au slow, ça vous rappelle le sketch de 1973 de Guy Bedos et Sophie Domier? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Gélo, attaque. Je pense aujourd'hui à ces quadras, à ces quinquagénaires, biberonnés aux Bee Gees, à Joe Dassin, à Elvis. Est-ce que ça vous manque, le slow? Moi, je regrette pas forcément, parce que je me souviens, quand j'étais gamine, c'était plutôt une source de stress. Quand je voyais que toutes mes copines étaient invitées, que moi, j'étais pas forcément parmi les premières invitées à danser, voilà, ça me mettait assez mal à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez redanser un slow, avoir ce truc-là? J'adorerais à redanser un slow avec un mec que je connais pas, ce serait extraordinaire. Et il y avait le quart d'heure américain. Et le quart d'heure américain, c'était quand même l'occasion de choisir son partenaire. Là où, quand c'était pas le quart d'heure américain, on pouvait se taper des gros boulets. Et là, tu passais au sale quart d'heure. Vous regrettez cette époque du slow? Aujourd'hui, ce que je regrette vraiment, c'est que dans les soirées où ça danse, il n'y a plus de danse à deux. Il n'y a plus de contact physique. On est les uns en face des autres, on fait des mouvements et puis c'est tout. Et c'est dommage, les seuls moments où on peut un peu danser avec l'autre, c'est le rock. Mais le rock, en fait, c'est un truc de vieux. Donc très rapidement, on a l'image de nos parents, hein, au mariage, où on se dit « Ah merde, je deviens ma mère ». Bon, dites-nous les ados, là, c'est vraiment fini le slow dans vos soirées? Ah oui, totalement. Maintenant, c'est plutôt des danses. Collées serrées, collées ouais. Serrées, mais. On n'est plus dans le romantisme, on est plutôt dans le sensuel, même pas, hein, plutôt. Ouais, voilà, dans le twerk. Le twerk, vous savez, c'est cette danse lascive. Le samedi soir, tu remues les hanches et les fesses, et le lendemain, tu peux plus t'asseoir. Bon, ok, les ados, vous dansez plus de slow, mais si je vous mets ça, est-ce que ça vous parle? Ah oui, oui. Oui, il y a un fantôme, et avec sa femme, et c'est une autre personne qui le voit, et du coup, c'est une femme qui parle à sa femme. C'est. Voilà, mais j'ai pas. Ghost. Est-ce qu'on valide ce titre pour un slow? Ça, vraiment, ouais. C'est le son typique pour un slow, ouais. On sait jamais, peut-être que le slow reviendra, mais l'époque a changé. Il y a 40 ans, dans le film La Boum, un garçon posait son casque de Walkman dans un élan de romantisme sur les oreilles de Vic pour danser un slow. En 2025, c'est plus compliqué avec des AirPods. Et en plus, il faut du Bluetooth. Allez, à la semaine prochaine. Ici. Hello again, it's me. Your shoulders where I sit. The half nobody sees of the silent partnership. I am here, your helper. Ici. Hey mon amour, tu vois bien qu'il n'est pas tout neuf mon cœur. Et je peux pas le changer demain pour que tu aies moins peur. Hey mon amour, m'en veux pas, on s'est pris en cours de route. Et je sais tout ce que ça nous coûte de devoir vivre avec tout ça. Tu sais, moi je n'ai de Rimbaud que la vie de bohème, pas de plume dans le dos, encore moins ses poèmes. Moi j'en ai que les problèmes. Et moi je n'ai de Jésus que le cœur sur la main, ni divin ni devin, mais je te jure qu'à la fin je trouverai un subterfuge pour que tu trouves toujours refuge. Dans mes bras tu peux te laisser tomber et tu ne tomberas pas, tu sais, jamais, jamais. Dans mes bras le temps peut bien s'arrêter, on aura l'éternité. Allez, viens dans mes bras. Oh non, mon amour, ne dis rien, ça gâcherait tout. La fin du monde n'y change rien. Moi, je veux profiter de nous. Je sais, je n'ai pas l'antidote à ce temps qui nous rase, à ce ciel qui sanglote, à la pluie qui nous écrase et au vent qui nous emporte. Et je sais, je n'ai pas l'anecdote qui te fera hurler de rire dans cette triste époque qui pourrait tout détruire. Mais je trouverai un subterfuge pour que tu trouves toujours refuge. Tu peux te laisser tomber et tu ne tomberas pas, tu sais, jamais, jamais. Dans mes bras le temps peut bien s'arrêter, on aura l'éternité. Allez, viens dans mes bras. Pas tout neuf mon cœur, mais je ferai de mon mieux demain pour que tu n'aies pas peur. Mmh. Ici, ICI, ici, vous écoutez ici. Della notte quasi amor facera, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte è quasi radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 4 heures. Ici, Willy vient déjeuner chez vous. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est Willy vient déjeuner chez vous, numéro 939. Oh là là, ça filoche. Bonjour la tribu. Bonjour. Alors, qui est là aujourd'hui? Nicolas Malabeuf, notre enfant de la télé. Bonjour mon bon Nicolas. Bonjour Willy, bonjour tout le monde. Et Fabien et mon autre Guy Counet. Bonjour mon Fabinho. Bonjour Willy, bonjour à tous. Et bienvenue à tous. D'abord, merci au public de Metz. Oui. Un triomphe. Triomphe. On a fait complet à Metz. Complet. Donc pour votre one-man show, heureux. Prochaine date, c'est le 28 mars à Aix-en-Provence. Venez Aix-en-Provence, hein. Venez. Unique date dans le coin. Donc venez, ça nous fera plaisir de vous voir de près. En attendant, bienvenue ici. Voilà, c'est reparti pour un nouveau numéro de votre grand talk show du week-end. Toute la France réunie pour parler d'ici et de là-bas, car où que vous soyez, vous êtes ici et puis c'est tout. Vous connaissez maintenant le principe, hein. On revient à notre manière sur ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu, la vie quotidienne. Notez bien les deux dossiers du jour. Dans l'actu de la semaine, c'est la première fois mercredi que le personnel soignant manifestait un peu partout en France parce qu'il en a marre d'être être pris à partie par les patients. Stop à la violence, stop aux agressions envers nos soignants. Voilà, c'est le cri que nous poussons ce midi dans cette émission. Alors venez en discuter avec nous. Si vous êtes infirmier, infirmière, médecin, médecine, pharmacien, pharmacienne ou tout simplement des personnes concernées par les sujets, 0810 055 056. Venez, on fait l'émission ensemble. Et à 12h30, la tendance du moment, c'est le drive. Vous savez, c'est le fait d'aller chercher ses courses. Je le fais, moi. Aussi, tu le fais ? Je le fais à Auchan. Ah, très bien. Alors, à Auchan ou ailleurs, c'est le drive qui cartonne partout en France. Donc, c'est faire ses courses au supermarché sans descendre de la bagnole ou presque. Génial. Ça se développe vraiment partout. Pourquoi est-ce que vous aimez le drive ? Pourquoi vous trouvez ça pratique ? Au contraire, pourquoi vous ne jurez que par les courses façon traditionnelle ? C'est avec la liste de courses. Moi, je suis plus comme ça. Moi, je suis plus comme ça. Je aussi, note voilà. Tout. Ou le chariot, tu sais, qui a toujours une roue qui est déglinguée, etc. Ah oui. Toujours. Avec la feuille de salade. Oui, ça j'adore les chariots avec une roue déglinguée. Eh bien, venez nous parler de ça. 0810 055 056. Venez ici, c'est chez vous. On fait l'émission ensemble et vous repartez avec votre sélection pour gagner quoi, mon Nicolas ? Willy, vous n'êtes pas sans savoir non. Que jeudi, c'est le printemps. Ah, oui, et donc, on vous offre 150 euros à dépenser dans une célèbre enseigne française spécialiste du jardin. Du jardin, ah, bah oui, c'est le retour c'est du jardin. Eh bien, appelez chez tout de suite. Faut pas dire. Oh, c'est dingue ça, quand même. Merde-toi. Oh, bah, vous n'avez pas Jardiland. Entendu. Jardiland, faites pousser vos idées. Appelez-vous nous vite le nom du gagnant. Point. C'est demain à 12h55. Oui. Un mot sur le groupe Facebook. Ah, mais te oui, bah, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook officielle. C'est Youpi la vie avec Willy Rovelli. Donc il y a plein de messages. Il y a Thierry qui a posté une photo avec vous car il était présent à votre spectacle hier soir à Metz. À Metz. Ah, les Messins sont très sympas. Hein. On adore. Et il y a Corinne qui a posté une photo de sa lune car c'était la pleine lune ce matin à Aigues-Mortes-les-Graves. Non, mais je vous jure très que c'est bien. Vous voulez voir la lune de Corinne ? Affichez vos lunes, mes amis. Ça, c'est bien. On va faire un nouveau groupe à part. Regardez. Ah oui, très joli. Mais oh là c'est là, la pleine bien lune. Dodu. Moins très, 18 ans. Merci. Est-ce qu'on étudie ? On a dédié. Alors, allons-y, parce qu'il est tard. On a des sommaires qui font plus long que l'émission. Ah oui. C'est fini. Notre premier dossier. Bonjour, Élodie Le Busulier. Bonjour. Bienvenue Bonjour. Ici, ma chère Élodie. Vous êtes médecin à la maison de santé pluriprofessionnelle du Haut-Vidourle à Sauve dans le Gard et vice-présidente de Médecins pour Demain. Alors, ma chère Élodie, pourquoi est-ce que vous avez manifesté dans les rues de Nîmes alors mercredi dernier, ma chère Élodie ? Alors, moi, je suis allée au rassemblement de Montpellier. Pardon, de Montpellier, car Oui, c'est pas grave. Les violences envers les soignants sont malheureusement en augmentation importante, hein, plus 50% depuis 2021. Wow. Alors, ça comprend les violences physiques, les violences verbales, les violences ordinaires, les violences du quotidien, la pression, enfin bon, voilà. Parce que ça ne peut plus durer. Voilà. C'est rare, hein, ce genre de manifestation des soignants, parce que là, vous dites trop, c'est trop, quoi. Oui. Là, on a eu plusieurs exemples, malheureusement, qui nous ont fait réagir. Ça ne peut plus durer. On est tous en détresse face à ça. On a besoin de soutien de la part des instances et de l'État. Et de nous aussi, j'allais dire. Et rapidement, et des patients. Voilà. Heureusement, la plupart des patients sont bienveillants, évidemment, on est bien d'accord. Hein. Évidemment. On ne fait pas d'amalgame. Mais voilà, il faut que ça cesse. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'on ait les moyens de se protéger, qu'on soit entendu et que, que la justice ait elle-même aussi les moyens qu'il faut pour... Élodie, tiens, on va prendre pas par pas. Vous dites qu'il faudrait qu'on ait les moyens. Il faudrait quoi, alors, par exemple, comme moyen pour qu'il y ait moins de violence ? La chose la plus importante pour nous actuellement, là, c'est qu'il y a un projet de loi qui est bloqué à l'Assemblée, au Sénat, pardon, depuis le 14 mars dernier, donc 14 mars 2024. Et qui est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Et cette loi pourrait viser à renforcer la sécurité des soignants. D'accord. Donc on demande à ce qu'elle soit rapidement actée par le Sénat. Ouais. Monsieur Neuder, le ministre de la Santé, s'est engagé à ce qu'elle soit mise au programme, au calendrier en mai 2025. Donc on espère que ça sera le cas à ce moment-là, par exemple. Et vous-même, Élodie, vous avez déjà été agressée, violentée ? Vous êtes déjà arrivé des choses ? Alors, physiquement, j'ai reçu une gifle quand j'étais interne d'une patiente aux urgences, effectivement, qui était en confusion. Bon, voilà. Et verbalement, ça peut partir assez vite, malheureusement. Assez vite, dès qu'il y a de la frustration, c'est compliqué. Ouais. Et il nous arrive quoi ? Par exemple, moi, demain, je vais aux urgences, voilà, je m'énerve, je mets une baffe à un infirmier, une infirmière. J'ai quoi ? Il m'arrive quoi ? Alors, c'est déjà, il faudrait que l'infirmier porte plainte. Mmh. Il y a beaucoup de soignants qui ne portent pas plainte, malheureusement, parce que les démarches sont difficiles. Bah ouais. Donc, ça aussi, il faut les faciliter. Et après, bah, les décisions de justice dépendent de ce qui est, de ce que la loi dit, malheureusement. Mmh. Donc, il faut changer la loi. C'est ça. Voilà. Mmh. C'est ce que vous aussi, vous avez réclamé en manifestant ce mercredi. Voilà. Mmh. Et, oui. Donc, vous pensez être entendu? Alors, vous pensez que le message est passé mercredi? On a été reçu, le collectif du 12 mars, dont l'association Médecins pour Demain fait partie, a été reçu par le ministre. On espère qu'il pourra tenir ses engagements. Voilà. Et Élodie, pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Enfin, je dis on, bon voilà, franchement, moi ça m'arrivera jamais. Mais enfin bon, pourquoi est-ce qu'on s'énerve plus alors? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de violence? Pourquoi les gens sont plus impatients? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en détresse aussi, je pense, tout simplement. L'accès aux soins a été mal organisé par les vingtaines d'années de politique qui sont derrière nous. Donc on en paie les frais aujourd'hui, on est en première ligne en tant que soignant, je pense au secrétaire médical, au personnel soignant, enfin tous ceux qui travaillent avec nous en fait. Hein. Vous êtes un peu et le punching ball quoi. Ligne, voilà. Plus on est, ben oui forcément on récupère toutes les émotions. Ouais, c'est ça. Donc ça va de la frustration à la colère, à la détresse psychologique, la douleur, voilà. Bon, et ben on prend tout ça, ouais. J'espère que vous serez entendu. Juste un petit mot tiens de Médecins pour Demain dont vous êtes la vice-présidente. Oui. Élodie, c'est quoi Médecins pour Demain? Alors, c'est une association qui s'est créée il y a à peu près 2 ans, enfin suite à la création d'un collectif, qui est là pour défendre les... pour améliorer l'accès aux soins déjà pour les patients et la condition de travail des médecins libéraux essentiellement, mais aussi les médecins salariés tous ensemble, pour une médecine libre et indépendante et pour tous, quoi, qu'ils soient accessibles à tous et égalitaires. Bon. Voilà. Et ben, ma chère Élodie, merci beaucoup. Vous savez, vous vous souvenez, attendez, mais partez pas, Élodie. Hein. Fabien, Nicolas, vous vous souvenez, donc il y a pile 5 ans, là, il y avait cette histoire de Covid, le confinement. Toute la France, à 20h, pile, applaudissait le personnel soignant. Bah, vous savez ce qu'on va faire, Élodie? Là, maintenant, il est 12h13. Attendez, bougez pas. Toute la France, maintenant, qui nous écoute à 12h13, va vous applaudir. Voilà, on applaudit le personnel soignant. Bravo Élodie, on vous embrasse très fort. Bon courage. Bah, merci à vous. Voilà, c'est parce très qu'on gentil. Pense à vous et on est à fond avec vous, ma chère Élodie. On a tous besoin les uns des autres. Voilà, exactement. Ben on se tiendra au courant. Merci infiniment. Élodie Le Busulier, médecin à la maison de santé pluriprofessionnelle du Haut-Vidourle à Sauve dans le Gard, donc qui manifestait mercredi donc pour dire stop à la violence contre le personnel soignant. Voilà, c'est le cri qu'on pousse ce midi. Venez réagir là-dessus. 0810 055 056. On vous attend. Un mot sur rien du tout. C'est la chronique. Dans un instant, l'actu Fabien. Web de la semaine. Oui. Et Claude François a posté un message vidéo sur TikTok. Il est toujours doucement. Oui, je vous explique tout dans un instant. Exclusivité de Claude François dans un instant sur votre radio ici. Mais d'abord, place à la musique. Attention, c'est un titre en anglais. Alors là, je le sens mal. Je ne vais pas le dire. C'est Culture Club. Ouais, on s'arrête là. Je peux le dire. Et comme il démarre maintenant, je suis obligée de m'arrêter. S'il est là, voilà. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I? In my Voilà, ça c'est le titre, il le dit tellement bien. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez que je le dise, moi ? Ne dites rien. C'était Culture Club, bien sûr, sur votre radio, ici, mes amis, il est 12h17. Nous sommes en direct, merci d'être avec nous. Appelez-nous 0810 055 056. On vient de parler de la manif des soignants qui a eu lieu mercredi. Stop à la violence envers les soignants. Ils en ont marre et ils ont bien raison. Et dans un instant, on va parler du drive qui cartonne dans les supermarchés. Mais d'abord, Fabien et moi, oui. Notre geek. Alors, Fabinou. Il est l'heure de la mise à jour. Voici toute l'actu web qui m'a fait marrer ces derniers jours. Et on démarre avec le concon de la semaine. Ah, c'est moi. Non, c'est pas vous. Pour une fois, c'est pas vous. Il y a quelques jours, un quadragénaire a été arrêté sur l'autoroute A7 car il roulait trop lentement. Mais vraiment trop lentement. Cet homme roulait à 30 km/h sur l'autoroute. Soit 100 km/h de moins que la limite indiquée. Ah ouais. Mais il s'est défendu auprès des gendarmes. Je cite, je roulais trop lentement car j'étais au téléphone. Ah oui, mais pas mal. C'est une bonne raison. Attends, c'est pas fini. Et cerise sur le gâteau, ce conducteur était positif au test d'alcoolémie. Oh là là. Plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Papa, je t'avais dit de pas conduire bourré. Je vais avoir trouvé mon père. Bon, bravo. C'est le tiercé gagnant. Il a le tiercé dans l'ordre. Conduite trop lente, téléphone au volant. Et tout ça en étant bourré. Ça pourrait être une fable. Livre et la tortue. C'est pas mal. Ah, vous entendez ? Oui. Alors là, on passe au deuxième concon de la semaine. Non, parce que là, cette semaine, franchement, il y a des concons un petit peu partout en France. Un homme dérangé par le chant du coq appelle les gendarmes pour qu'il intervienne. Oh. C'est drôle. Non, pas du tout. Il s'auto-fait rire, en fait. Cette histoire... Non, c'est pas drôle du tout, Fabien. Cette histoire, je l'ai trouvée sur la page Facebook des gendarmes de l'Hérault. Et forcément, vous avez été nombreux à réagir sous le post. Un internaute a écrit « Dans ce genre de cas, faut-il mettre le coq en garde à vue ?» Non, mais c'est vrai. Ça, c'est drôle. Nos internautes ont du talent. Et un autre a écrit « Écoutez, là, c'est très poétique. Qu'il aille vivre à Paris et surtout qu'il ferme bien sa gueule. » Bon, voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les réseaux sociaux qu'on aime. Tu vois, toujours bienveillant. On adore. Bref, avec cette histoire de coq, les gendarmes de l'Hérault ont marché sur des œufs toute la semaine. Mais bon, affaire réglée. Cette histoire n'est pas tombée comme un œuf sur le plat. Neuf sur le plat. Claude François. Ah non. Hey. Cette semaine, c'était l'anniversaire de la mort de Glo-Glo, 47 ans déjà. Il y a eu beaucoup d'articles sur le web et sur TikTok. J'ai trouvé un message enregistré par Claude François. Oh. Écoutez, c'est étonnant. Bon, alors, ça y est, on y est. 47 ans que j'ai pris l'ascenseur express vers l'au-delà. Et vous savez quoi ? Je suis toujours une star, même ici. Alors j'ai sorti les paillettes, monté une revue, et maintenant, même Saint-Pierre tape du pied sur Alexandra. Et oui, Claude François... C'est un vrai message. Oh là là. N'est pas mort. Non, ce que vous entendez, c'est une intelligence artificielle. Non, mais c'est quand même dingue, parce qu'il y a la vidéo qui va avec. Voilà, une intelligence... C'est terrifiant. À recréer la voix de Claude François, c'est quand même bluffant. Ouais. Non, mais... Je suis toujours là, bien vivant dans vos cœurs et dans vos playlists Spotify. Ça, je le sais. Parce que le talent, ça ne s'oublie pas. Non. Et moi, du talent, j'en avais à revendre. Ah oui, allez, bise. Il est toujours modeste. Et à l'année prochaine. Voilà. Ça fait peur quand même. Ah, ça fait peur. Voilà, il aurait 86 ans aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Voici, voilà. Donc, si vous tombez sur cette vidéo Souken, vous saurez que c'est une intelligence artificielle. Ouais, grâce à cette info, vous êtes comme Clo-Clo. Au courant. Merci beaucoup, mon cher Fabien. Quoi ? C'était très bien. C'était bien quand même. Oui, alors. Là, non, c'était très bien. C'était bien. Juste que ta petite vanne au courant, je l'ai notée pour tout à l'heure aussi. Non, mais on se ressemble tellement. J'avais même humour. Oui, c'est ça qui me fait le plus peur. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour vous. C'est une très mauvaise nouvelle, non ? Parce que quand même, on a pris une semaine pour écrire ça. Une semaine pour écrire cette merde. Dis donc, on est vraiment des nazes. Bon, oui, merci beaucoup. Allez, au revoir, mettez ce jingle. Oui. Ici, à midi, avec toute sa tribu, Willy vient déjeuner chez vous. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Oh, comment ça va, ma Karine ? Mais ça va très bien. Merci. Tu t'appelles d'où, Karine, d'Ardèche, c'est ça ? Oui, Montélimar. Donc. Montélimar, donc, très bien. Karine, toi, tu voulais réagir parce que je crois que tu es infirmière, c'est ça ? Exactement. Alors, moi, j'ai travaillé 2 ans en service d'urgence. Moi, j'ai peut-être un autre point de vue. Je pense qu'une grosse partie de la violence des patients, qu'elle soit verbale ou physique, est souvent induite involontairement par les soignants. Ah. J'entends par là, l'attitude des soignants, leur ras-le-bol, leur fatigue, le fait qu'il n'y ait pas assez suffisamment de personnel, engendre une attitude des soignants qui peut parfois venir. En tout cas, au moment où les patients sont en détresse ou alcoolisés ou peu importe, on ne prend pas le temps d'expliquer les choses, on ne prend pas le temps de s'arrêter. En fait, je pense que si on prenait plus le temps d'expliquer aux gens il y aurait moins d'accord. de violence. D'accord. C'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue, mais c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, si, voilà, on va dire l'infirmier, l'infirmière, prenait du temps pour dire, voilà, désolé, j'ai pas pu m'occuper de vous avant parce que ça. Voilà, ça pourrait peut-être désamorcer un peu. Que tous les gens qui sont aux urgences ont l'impression, en fait, que plein d'autres gens passent devant eux. Ça arrive régulièrement. Donc, leur expliquer que, voilà, là, il y a les pompiers qui viennent d'arriver, désolé, il faut qu'on s'occupe de telle personne avant nous, on retient, voilà, etc., etc. Vraiment, on le voit maintenant, je travaille en psychiatrie, et on le voit vraiment dans les services de psychiatrie, pour les mêmes patients, selon qui travaille, selon les équipes qui travaillent, eh bien, des fois, ça se passe, ça se passe toujours mal avec certaines équipes et jamais avec d'autres. Bon, c'est très intéressant, Et c'est très intéressant, Karine, comme point de vue, parce que, effectivement, toi, tu travailles, tu es là-dedans et tu dis, peut-être que parfois, il faudrait qu'on prenne le temps aussi d'expliquer. Pédagogique. C'est un excellent point de vue, Karine. Merci beaucoup d'être passée nous voir pour nous le donner. Merci infiniment, t'embrasse très fort. Bonne journée, au revoir. Ciao, ciao. Et tu repars évidemment avec ta sélection pour ces 150 euros à dépenser dans une enseigne de jardinage. Très bien, mes amis, dans un instant, je vous présente quelqu'un de pas banal. Parce qu'on aime dans cette émission vous présenter des gens pas banaux. Mais d'abord, voici Santa. Ah oui, avec Santa. La différence, c'est votre radio aussi. Le vertige, de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes. Je préfère t'en trop au pas assez. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups, résiste. Tu feras la différence quand le cœur de l'enfant. La photo fige, un peu de flou, un peu de nous. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout. Et sur mon piano, tout sonne vrai. Je préfère ton trop au pas assez. Tu feras la différence. C'est beau, dis donc, c'était Santa avec La Différence sur votre radio ici, bien sûr. Ici, chaque week-end, Willy vient déjeuner chez vous. Allez, comme promis, place à la personne pas banale du samedi. Bonjour Claire Villanuit. bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. Bonjour. C'est comment votre nom de famille? Je me suis trompée, je me trompe tout le temps. C'est pas Villanuit? Non, c'est Villani. Oh, pardon, Villani. Bon, vous auriez pu vivre la nuit, c'était très bien aussi. Oui, non, c'est vrai. Je me trompe tout le temps, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal moi, j'accueille les gens comme ça, en écorchant leur nom, c'est normal. Bienvenue ici quand même. Ma chère Claire, alors vous êtes dans le Morbihan et vous êtes tellement fan de la série La Petite Maison dans la Prairie que vous avez décidé un beau jour de construire quoi dans le Morbihan? La réplique de La Petite Maison. Wow. Et voilà, la réplique, une véritable réplique de la maison de Charles Ingalls et de sa famille. Alors, comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'il n'existe pas de plan, on est d'accord, Non, il n'y a pas de plan, en fait. Ouais. Donc, je me suis basée sur moi, tout simplement, comment je me projetais dans la maison. Ouais. Et un petit peu avec la taille de Michael Landon. Ah oui, ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle, parce que donc Charles Ingalls, il mesurait 1m75, mais il trichait un peu avec comment 10... Oui. Il trichait comment? Il mettait 10 cm de talonnette. Mais je fais ça tout le temps, moi. 10... Et donc, vous êtes dit, tiens, lui, il fait 1m75, donc de l'entrée à la cuisine, ça doit faire tant, pour aller à la chambre, ça fait tant de mètres, etc. Voilà. Alors, en gros, hein, parce qu'après, moi, je me suis vraiment basée sur comment moi, je me l'imaginais, quoi. Voilà. Et donc, après, pour le mobilier, les objets, vous avez fait comment ? Ah ben, j'ai chiné. Bah ouais. J'ai chiné partout. Et puis beaucoup de ponçage, en fait, voilà, beaucoup de choses que j'ai fait à la main. Non, moi, j'ai vu les photos, franchement, c'est bluffant. Ça ressemble vraiment, c'est la petite maison dans la prairie. Juste, est-ce qu'il y a une prairie tout autour, quand même? Oui. Alors, pas trop. Pas tant que ça, quoi. Non, mais c'est incroyable, franchement. On fait ce qu'on peut, hein. Non, franchement, Claire, vous avez fait un boulot de dingue. Hein. Je l'ai Merci dit, beaucoup, vraiment, c'est gentil. Vous avez fait en sorte que ça ressemble vraiment le plus possible à la série, avec même les toilettes sèches dans le jardin. Oh là là. Et cette maison, on peut la visiter, c'est ça ? Comment on peut y séjourner ? Alors, vous pouvez venir la visiter, bien évidemment, et vous pouvez aussi dormir dedans. Ah, très bien. Comment on fait ? Alors, allez-y, faites votre pub. Alors, ma pub. Alors, en fait, pour pouvoir visiter la maison, il faut aller sur mon site internet. Vous avez un onglet, voilà, où vous cliquez dessus et vous avez plusieurs jours de disponibles. Ouais. Et après, pour pouvoir dormir dans la petite maison, il faut aller sur Booking. Ouais. Alors, j'insiste bien, avec un ordinateur, sinon avec votre smartphone, ça va être marqué épuisé. D'accord. Okay. Donc, avec l'ordi. Donc, Et donc là, vous verrez les disponibilités qui restent. Voilà, c'est à Campénéac, on est d'accord ? La petite maison dans la prairie, la véritable petite maison dans la prairie de Charles Ingalls par Claire Villani. Bravo, Claire ! On voulait vous embrasser, vous féliciter. Franchement, allez voir les photos, c'est bluffant, on s'y croirait. Hein. Merci infiniment. Mm-hmm. Votre radio locale France Bleu devient ici. Ici, à la radio du matin au soir, pour s'informer, pour chanter, pour rigoler. Ici, à la télé, pour voir toutes les infos de ma région. Ici, le média local, radio, TV, digital. L'actu près de chez moi, dans ma poche, c'est quand je veux sur ici.fr et l'application Ici. Vous écoutez Ici. Ici, le média qui vit comme nous. Comme nous. Ici. Ici, à midi, avec toute sa tribu, Willy vient déjeuner chez vous. Merci d'être ici, mes amis, jusqu'à 13h en direct partout en France pour votre grand talk show du samedi. Willy vient déjeuner chez vous. Alors, c'est comme le talk show d'Eléa Salamé. Mais en pas pareil. Exactement. Sinon, c'est la même chose. Hein. Dans un instant, on ouvre notre dossier sur le drive. Aller faire ses courses au supermarché sans descendre de sa voiture. Ça cartonne et votre tribu est là. Lui, il passe toujours à la caisse moins de 10 articles avec 11 articles. Voilà, parce qu'il aime le frisson. Il aime prendre des risques. Notre enfant de la télé, Nicolas Malabeuf. Et enfin, quand dans les rayons, il y a une dégustation de produits. Il bouffe tout, mais n'achète jamais rien. Ah oui. Notre geek Fabien, ça c'est ça. Vrai, ça. Il adore faire ça. Et bien sûr, on fait l'émission avec vous, d'abord sur le groupe Facebook. Oui, pour nous. Il n'y a pas assez de gens qui se connectent, j'aime pas faut ça. Que ça monte. Alors, faut que ça monte. Pour nous rejoindre sur Facebook, vous tapez Youpi la vie avec Willy Revelli. Voilà. On poste des photos. Il y a toutes les dates aussi du spectacle de Willy. Il y a Anne Bouclet, tiens, qui a posté une photo de son jardin ce matin. Voilà, parce que voilà, c'est son Youpi. C'est son Youpi. Elle embrasse fort Willy, mais rien pour Nico. Non, hein. ça c'est normal. Et Jean, moi je suis heureux car j'ai mes places pour voir Willy à en Provence le vendredi 28 mars. Merci Jean, venez le 28 mars et allez sur le groupe Facebook Youpi la vie avec Willy Revelli. En attendant, appelez-nous aussi 0810 055 056 pour réagir au dossier du jour. On a parlé des manifestations rares dans tout le pays pour dire stop aux agressions envers le personnel soignant. Si vous en avez été victime ou témoin, si parfois il vous arrive aussi de perdre un petit peu patience aux urgences, ben, venez nous en parler, on vous attend. Et dans un instant, on va parler donc de cette nouvelle manière de faire ses courses au supermarché, le drive. Séduit de plus en plus, est-ce que c'est votre cas ou alors pas du tout? Vous faites encore les courses à l'ancienne avec la liste de courses qu'on écrit bien consciencieusement et qu'on, et qu'on oublie à la maison, évidemment. 0810 055 056. Ici, c'est votre famille et vous repartez avec votre sélection. Et oui, J-5 avant le printemps, grâce à votre radio ici, vous allez pouvoir fleurir vos jardins, vos balcons et vos terrasses. Personnellement, moi, j'en ai pas. Toi, t'as rien de tout ça. Ce sera 150€ à dépenser où vous voulez dans une enseigne spécialiste de jardin. Alors appelez-nous, pitié. Mais avant, à la nuit, on retrouve un homme qui a fait un triomphe avec son spectacle à Metz hier soir. Et ce midi, il est déjà de retour à Paris car chaque week-end, il est ici. Troubadour. Willy, il est l'heure de mettre les points sur les i. Ici, Willy Revelli. Mets les points sur les i. Allez, ce n'est pas pu écouter du journal à pile. Il est pile l'heure de refaire le journal. Voici les à peu près titres de l'actualité. Tout de suite, les à peu près titres de l'actualité avec le café carte noire. Try to remember. Et on commence avec Emmanuel Macron qui réitère sa demande de nous tenir prêts à partir sur le front en Ukraine au cas où. Moi, la dernière fois que quelqu'un a voulu me convaincre de partir sur le front, c'était un chirurgien en Turquie pour des implants capillaires. Bah, même là, j'ai déserté, dis donc. Se sentir prêt à la guerre avec la Russie, avec quand même cette question qui angoisse des milliers d'hommes français. Est-ce qu'on va aussi nous demander de boycotter les escortes russes? Ça, c'est non, à mon avis. Emmanuel Macron qui pense pouvoir faire pression sur le Kremlin, alors qu'il n'est même pas capable de faire pression sur le Kremlin Blissettre. Bah, dans Lyon, Emmanuel Macron, toujours, s'est rendu incognito dans une charcuterie. La France insoumise déplore une provocation insoutenable en plein Ramadan. Et CNews trouve que c'est une manœuvre politique pitoyable pour aller chercher les voix de l'extrême droite. Quant à Gérard Larcher, pour lui, cette visite dans une charcuterie, c'est un plagiat honteux de son planning. La SNCF a présenté cette semaine son TGV du futur, qui existe déjà en fait, hein, parce qu'avec les retards, tu l'attends dans le présent, mais il arrive dans le futur. À noter aussi dans ce nouveau TGV un bar à deux étages appelé Bar Cathédrale, parce qu'il faudra toujours prier pour avoir le wifi. Restons dans les trains. Une passagère accouche dans le train Clermont-Paris. La petite s'appelle Cléa. Bienvenue Cléa et tous nos voeux de bonheur à monsieur et madame... Molette, bien sûr. À partir du 1er avril, de nombreux produits américains seront fortement taxés en Europe. Du moment que c'est pas YouPorn et Kleenex, hein, nous on s'en fout. Le 11 mars dernier, donc cela faisait 47 ans que Claude François nous quittait. Mais bien sûr, on était au courant. Ah. Voilà, bon, ça c'est fun. En Inde, un passager reste bloqué dans les toilettes d'un avion pendant tout un vol en raison d'un dysfonctionnement de la serrure. Ouais, à mon avis, ça serait plutôt un dysfonctionnement du sphincter. En même temps que quelqu'un en avion ait des problèmes de transit, c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, la question du jour. Si on fait une sitcom d'Abbé sur les allergie des jeunes, est-ce qu'on appellera ça pollen et les garçons? Ouh ah bah vous avez 2 heures. Alors heureusement, dans 291 jours, c'est fini 2025. Bravo. Ça passe, mes amis. Ça passe. Oh. Alors, qui est prêt à aller à la guerre ici? Qui? Oh. Oula, on n'a pas les physiques. Mais... hein. Voilà, bah, personne. Non. Alors, non, mais... moi, je vais te dire, moi, je n'y vais pas. Rien à faire. Moi, je reste derrière moi, vous. Je file loin. Je me cache derrière vous. Ah, moi. Cache-moi derrière moi et moi je me cacherai dedans, Nicolas. Oh, allez, dans un instant, on parle du drive. C'est faites-vous vos courses avec le drive? Oui, non? Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh bien, répondez à ces questions. 0810 055 056. Oh. Ici, actu locale, musique et bonne humeur. Mais d'abord, place à la musique, mes amis. On aime bien Julien Doré. Ouais, il est beaucoup. Sympa. Moi, j'aime beaucoup Julien Doré. Ma mère adore Julien Doré. La seule fois où elle a voté à une émission de télé-réalité, c'était Nouvelle Star. Elle avait vraiment voté. Exactement. Donc, Julien Doré lui doit au moins 150 euros. Oh non. Voici le lac. Et le lac se dessine. Courageux et fort. Où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, tes mains sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Nous regardent amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent amoureux de l'ombre et du pire. Je reviens très fort, surprendre la cime. La rivière est là, font prendre racine. J'ai trompé la mort, la pente est facile. Mais serre-moi encore, que mes anges vacillent. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps. Qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Si demain tu regrettes. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Julien Doré avec le lac sur votre radio ici. Ici, chaque week-end, Willy vient déjeuner chez vous. Allez, ouvrons notre dossier sur le drive. Ah. Bonjour Émilie Maillère. Bonjour. Bienvenue ici. D'abord, vous portez le même nom de famille que l'une de nos chefs. Oui, donc oui, vous êtes Gérardine. Superbe, Émilie. Sachez-le. On vous aime. Voilà, on vous aime, Émilie. Quoi qu'il, on sait jamais. C'est peut-être qu'Émilie, c'est peut-être la sœur ouais, de notre chef. Ah, bien vu. Donc on ne sait jamais. Et je vous aime. Conduit, je vous aime, Émilie. Vous êtes directrice des études de l'Institut Circana. D'abord, c'est quoi l'Institut Circana? Bah, Circana, c'est un institut qui suit le secteur de la consommation et notamment de la grande distribution. Eh bah, parfait, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir aujourd'hui, puisqu'on va parler ensemble de cette nouvelle manière de faire ses courses en supermarché. Enfin, nouvelle manière non, parce que ça existe quand même depuis quelques temps, je crois, 2007, je crois, chez Leclerc. Mais en tout cas, voilà, ça se développe bien, c'est donc le drive. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est le drive, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien? Alors, le drive, c'est le fait de faire ses courses en ligne depuis un ordinateur ou un téléphone sur le site d'une grande surface, donc Leclerc, Carrefour, etc. Et d'aller ensuite chercher ses courses très majoritairement avec sa voiture. Voilà. On arrive sur le parking du drive à grande surface, on charge les affaires qu'on a commandées en ligne et on rentre chez soi. Voilà, tout simplement. Le drive est forcément accolé à un supermarché ou ça peut être... un bâtiment, vous voyez, complètement à part. Ah, pas forcément. Ouais, pas forcément. Okay. Pas forcément. Ça dépend des enseignes. Ça peut être collé ou un petit peu à quelques kilomètres d'un point de vente. Ouais. Avec des prix identiques qu'au supermarché ? Globalement, c'est l'idée, effectivement. C'est que les prix soient les mêmes entre le magasin et le drive. Et les mêmes produits que dans le magasin ? Alors, il peut y en avoir un peu moins parce que quand on est, par exemple, à côté d'un très, très grand hypermarché, il peut y avoir un petit peu moins de références dans le drive, mais il y a quand même beaucoup de choix. Il y a quelques milliers de références quand même, oui. Et donc, Émilie, ça marche de mieux en mieux, alors le drive, c'est ça hein ? Écoutez, le drive, ça fait une petite vingtaine d'années que ça existe. Hein. C'était effectivement au début des années 2000 et c'est un type de commerce qui est très français, en fait, le fait de commander en ligne et d'aller chercher en voiture. Et ça marche effectivement très bien. C'est à peu près 8% des dépenses que les Français font en grande surface. Ils passent par le système du drive. Et ça a connu un gros, gros bond pendant le Covid, hein, puisque souvenez-vous, on ne voulait pas être au contact des gens, des autres, etc. Et puis finalement, ça continue à progresser très fort. C'est une façon de faire ses courses qui séduit beaucoup. Et donc pourquoi, à votre avis, pourquoi ça séduit de plus en plus ? Ce qui séduit les gens avant tout, c'est la facilité et la rapidité en fait, parce qu'on fait ses courses à n'importe quel moment puisqu'on les fait en ligne, on les fait à peu près d'où on veut, on peut s'interrompre et reprendre. On n'a pas à trouver une place pour se garer parce qu'on prend ses courses et on s'en va. Et surtout, on n'a pas à sillonner toutes les allées du magasin. Non mais on, puis on peut et on n'a pas l'attente à la caisse. Voilà. Et on maîtrise son budget parce que quelque chose qui agace. On maîtrise son budget parce que quand on fait les courses sur l'ordinateur, on voit la somme. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Et alors est-ce qu'il y a quand même c'est le deuxième avantage effectivement. Voilà. Et alors est-ce qu'il y a quand même des inconvénients parce que parfois il peut manquer des articles peut-être. Alors oui, c'est ce qu'on appelle les ruptures. Des fois, il y a des produits qui manquent. Et ça, c'est vrai que ça agace. Maintenant, il y en a dans le drive, mais il y en a aussi quand vous faites vos courses dans les magasins. Ça, c'est la même chose. Et ce qui est reproché aussi au drive, c'est le fait de ne pas pouvoir toucher les produits. C'est ce que j'allais vous dire, Émilie. J'adore toucher le produit. Même quand j'achète mes gnocchi à poêler de l'ustu cru, faut que je prenne le paquet en main. Tu sais, je tâte le paquet. Vous les ouvrez, puis je goûte tout. Je goûte mes gnocchi. Je les remets si ça ne va pas. Voilà. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, j'ai besoin de tâter. Oui. Et par contre, le petit inconvénient, c'est les dates de péremption. On peut pas choisir là. Voilà. Parce que moi, j'aime bien prendre le paquet de jambon qui est au fond du rayon pour ça me faire plus longtemps. Mais c'est vrai que ça, c'est le petit inconvénient. Voilà. Mais sinon, c'est ça. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le drive, on va plutôt y acheter, je dirais, des produits un peu fond de plat. Car c'est vrai que pour acheter des produits frais, notamment des fruits et des légumes, c'est pas vraiment le circuit le plus adapté pour ça. Donc. Et il y a aussi donc le drive piéton. Et donc, vous pensez que de plus en plus parce que là, par exemple, le drive monte, progresse, alors que les ventes dans les supermarchés baissent un petit peu, les visites un petit peu, et vous pensez quoi, que ça va vraiment un truc de c'est fond l'avenir. Ça va, c'est l'avenir. Merci Nicolas. Les phrases. On n'est pas trop de trois. Oui, c'est-à-dire que on projette effectivement que cette façon de faire ses courses, même si les Français sont, notamment pour l'alimentation, très attachés au fait d'aller dans des magasins parce qu'ils vont en grande surface, mais ils vont aussi dans les commerces de quartier, dans les marchés. Donc malgré cela, on voit bien que le fait d'acheter de la nourriture en ligne, c'est de moins en moins un frein. On le voit avec le drive, mais il y a plein d'autres façons d'acheter, avec les Uber Eats, Deliveroo, on peut aussi se faire livrer des courses. Très bien. Livrer des repas de restaurant. Et puis, il y a plein d'autres opérateurs qui c'est se développent là-dessus. Donc, Oui, les gens font de plus en plus appel à ça parce qu'ils veulent aussi utiliser leur temps un petit peu différemment pour certains que de sillonner les allées des magasins. Émilie, restez avec nous encore une petite minute, s'il vous plaît. Tellement sympa, Émilie. Je vous présente Michel. Ça va, Michel ? Impeccable. Ça va très bien, mon Michel. Tu nous appelles d'où ? Ici, Sud-Lorraine. Tu habites dans la radio locale, ici, Sud-Lorraine. C'est ton appartement. Je suis sur le parking, là, quasiment. Très bien. Écoute, reste sur la radio. C'est très bien, Michel. Toi, tu utilises. Sakai. C'est l'hiver. Tu utilises le drive, Michel ? Oh, ça fait 10 ans. Ah ouais ? Pour rien le cacher, j'ai 72 ans. Oui. T'es jeune. Bon, le drive, ce sont mes courses principales. Voilà. Donc, comme effectivement disait l'interlocutrice Émilie, précédente, Émilie Maillet, oui. on peut faire ses courses, les interrompre, les reprendre. Voilà, c'est ça. On peut à 2h du matin, au cas samedi, on peut faire ses courses. Ah, Michel, motivé à 2h du matin à faire les courses. On peut se faire également livrer à domicile gens qui n'ont pas de voiture. Voilà. Hein, et cela me permet, parce que j'utilise plusieurs enseignes pour me faire des comparatifs tarifaires. Ah, c'est pas bête. Mais et tu vois parfois des grandes différences entre une enseigne à l'autre. Oh là que oui. Tu me feras un jour un comparatif. Sur le même article, la même référence, oui. Ça peut aller d'un écart de 0,50 à 1 euro. Quand même. Tu me feras un jour un comparatif sur les gnocchis à poêler de Lustucru, mon Michel. Je veux absolument savoir où elles sont les moins chères. En sud de Lorraine. D'accord, Michel. Je t'embrasse fort. Merci d'être passé nous voir, mon Michel. Tu repars avec ta sélection pour 150 euros à dépenser dans une enseigne de jardinage. Merci beaucoup, Émilie Maillard. Merci infiniment d'être passé nous voir. Vous êtes donc la directrice des études de l'Institut Circana. Très sympa, Émilie Maillard, comme toutes les Maillard. Comme Géraldine Maillard, notre chef qu'on embrasse très fort. Émilie Maillard, vous revenez quand vous voulez. J'ai remarqué un truc. Beaucoup. Oui. Le drive, moi, je le fais beaucoup au mois de janvier. Ah bon ? C'est le drive January. Ah, c'est passionnant. Ah, pas mal. Bravo, on a perdu 10 secondes pour ça, donc ça veut dire. Très qu'est-ce bien. Qu'on parle, on parle de quoi de toi ? Est-ce que c'est plus intéressant que ce que vient de dire Fabien ? Pas sûr, on va perdre 2 minutes en plus à cause de moi. Je vous emmène quand même faire un tour d'hélicoptère, il y aura un trésor à la clé. On verra, c'est pas dit. Je vais décider. Ouais, pas de chronique peut-être. Je vais décider ça le temps de la chanson. Voici Benson Boone et Philippine Lavray avec In the Stars. C'est la vraie. C'est la vraie, elle est là. Regarde, ils sont tous là. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going, I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars, and 6 feet's never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. I left the rest in pieces. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle ne reviendra pas. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme. Left the rest in peace. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Benson Boone et Philippine Lavray, In the Stars, sur votre radio ici. Bah, ouais, c'est une star. C'est une star. Quelque part, c'est une star, hein, Nicolas Malabeuf. Les gens commencent à. Ah, pas de connaître. Non. Pas de connaître. Ah, bah, hier à Metz. De plus en plus, les gens personne te connaissent. Inconnu. Pas. Nicolas Malabeuf, notre enfant de la télé, on t'aime. Moi, j'aime Fabien Hémeau, j'aime Nicolas Malabeuf. Et on vous aime aussi. Et nous sommes aujourd'hui le 15 mars. Et le 15 mars 1981 est lancé sur Antenne 2 ce jeu. Est-ce que vous reconnaissez? Non. C'est la chasse au trésor. Alors le principe, deux candidats restaient en studio à Paris avec Philippe Gildas et tentaient de déchiffrer les énigmes en guidant Philippe de Dieuleveux, qui se trouvait à l'étranger pour retrouver le trésor, un jeu imaginé par Jacques-Antoine, créateur d'un autre jeu d'aventure qui est Fort Boyard. D'ailleurs, le numéro test de la chasse au trésor, le pilote, avait été tourné sur le fort en 1981, où le trésor était la tabatière de Napoléon d'une valeur de 30 000 francs, qui était cachée dans ce qui est devenu la salle du trésor de Fort Boyard. Et en tentant d'accéder au fort, de Dieuleveux avait frôlé la noyade. Il était resté coincé 3 heures dans l'eau. Et alors, la chasse au trésor a donné lieu à de vrais moments de télévision. Par exemple, en mars 84, de Dieuleveux effectue un saut en parachute au-dessus de la baie de Saint-Malo. Et alors forcément, vous allez l'entendre, les conditions sonores n'étaient pas dingues. Oh là là, je vais peut-être, si vous voulez, arrêter de parler parce que j'ai besoin de prendre mon calme. Philippe, je vais me jeter dans le vide, si Philippe, vous promettez. Philippe, c'est quand même quelque chose de bon, c'est un exploit. Je me mets à la porte comme lui. Il saute. Et vous partez en chute libre. Oui. Oui. Je le vois, il se prépare. Un, deux et trois. Oh là là. Le son était nickel. Formidable, Philippe, formidable. Bon, vous avez déclenché votre parachute? Ah non. Oui, heureusement. Oui, bah oui. Je ne vous parlerai pas à l'heure actuelle. Ah bah oui. Et voilà, c'est la première fois, c'était en direct un saut en parachute à la télévision. Et alors, de Dieuleveux était un peu maladroit comme nous, en plein direct. Il fait tomber le trésor, un sablier de Jacques Cartier. Paris, oui. Stop. C'était le bon endroit quand même. Vous avez un sablier, Philippe? J'avais un sablier. Ah, j'avais, il n'y a plus. Et alors? Eh bien, écoutez, je suis un peu confus, je ne sais, j'espère que ce n'est pas une pièce de musée. Je viens de tomber, je viens de casser. Oh merde. Aïe. C'était une pièce unique. Oh, c'est parce que je viens de casser, il est complètement cassé. Philippe, j'espère que Philippe, vous êtes viré. Les propriétaires vous pardonneront, j'en suis certain même. Et voilà, c'était la chasse au trésor. En 1985, le jeu s'arrête puisque de Dieuleveux voulait un deuxième hélicoptère, mais la direction a refusé par manque de moyens. Et à l'été 85, malheureusement, à l'âge de seulement 34 ans, de Dieuleveux disparaît dans des circonstances mystérieuses lors d'une expédition sur le fleuve Zaïre au Congo. Et en 96, France 3 relance le jeu sous le nom de la carte au trésor. Plusieurs animateurs se succèdent. On peut citer Sylvain Augier, Marc Bessou, Nathalie Simon. Et depuis 2018, c'est Cyril Ferraud qui fête d'ailleurs ses 40 ans aujourd'hui. Et le petit potin, la carte au trésor compense l'empreinte carbone des hélicoptères en donnant de l'argent à une société qui replante des arbres. C'est une carte au trésor écolo. Eh bah, tant mieux. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Une carte au trésor écolo. Est-ce que vous connaissez Benoît Angeben? Ah non. Non, eh ben, on va faire connaissance avec lui dans un instant. Ici, Willy vient déjeuner chez vous. Merci d'être ici, c'est Willy vient déjeuner chez vous. On passe à table tous ensemble, le samedi et le dimanche, en direct, entre midi et 13h. Ici, on parle de tout, ici, on parle de vous. Alors vite, ce sont les 5 dernières minutes. Ça passe trop vite. Dépêche-toi. Hein. Terminons l'émission par une bonne initiative. Bonjour Benoît Angeben. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue ici. Vous êtes le prévôt au centre de formation des Compagnons du Devoir de Strasbourg. Les 21 et 22 mars prochains, vous organiserez partout en France des journées portes ouvertes. Alors, d'abord, prévôt, c'est quoi? Et les Compagnons du Devoir, c'est quoi, mon cher Benoît? Expliquez-nous. Alors, les Compagnons du Devoir, c'est une association qui fait de la formation en alternance dans plus de 35 métiers, du CAP à la licence professionnelle, dans le secteur du bâtiment, de l'industrie, les métiers du goût et du cuir. Voilà, donc prévôt, c'est un terme historique du compagnonnage qui désigne le responsable du centre de formation. Voilà, bien, t'as vu, il est bien, Benoît, il explique bien. Donc, vous formez donc des jeunes professionnels, c'est vraiment un modèle de formation unique. On avait déjà fait une émission là-dessus avec les boulangers. J'adore trop les Compagnons du Devoir. C'est vraiment unique hein, comme modèle de formation. Tout à fait, c'est unique parce qu'on s'appuie sur le voyage et la vie en communauté pour apprendre ce métier aux jeunes apprentis. Voilà, expliquez-nous ce voyage, ce fameux Tour de France alors, expliquez-nous. Alors à l'issue de sa formation initiale, le jeune apprenti peut partir sur le Tour de France et continuer à se former, passer des diplômes tout en faisant des étapes de 6 mois, 1 an, partout dans nos maisons de compagnons en France et aussi à l'étranger. Voilà, aussi à l'étranger. Et donc ça apporte quoi alors aux jeunes d'être Compagnons du Devoir, Benoît? L'expérience du Tour de France est surtout une aventure humaine, d'ouverture, aller voir comment se pratique le métier dans différentes régions de France et de l'étranger. Vivre en communauté, ça nous apporte beaucoup de valeurs, de fraternité, de solidarité, de partage. Voilà, c'est pas mal hein, comme valeur tout ça. Je crois qu'à vos côtés, mon cher Benoît, il y a un petit jeune qui est là, c'est ça? Il y a Tom? C'est ça, on est avec Tom Hupsch, apprenti serrurier métallier en deuxième année de CAP. Ah bah vas-y, allez-y, passez-le-moi, parce qu'il y a un téléphone pour 45 personnes. Tom, ça va mon Tom ? Oui, très bien. Alors comment ça se passe les compagnons du devoir, Tom ? Donc toi t'es en serrurier, hein, c'est ça hein ? Oui, serrurier métallier, ouais, chez les compagnons du devoir. Voilà, et donc ça... Je suis en formation à Strasbourg. Donc, j'ai déjà fait une première année et là, j'arrive à la fin de ma deuxième année. Ouais. Alors, c'est quoi le truc vraiment top dans cette formation ? C'est quoi, là ? Pour inciter d'autres jeunes qui t'écoutent. Tu as quel âge, là, Tom ? Là, moi, j'ai 16 ans. 16 ans. Alors, allez, pour encourager d'autres jeunes de ton âge à faire les compagnons du devoir, tu leur dirais quoi ? Bah, faut s'accrocher et puis il faut avoir envie de découvrir le métier, donc pas forcément serrurier métallier, mais autres métiers. Ouais. Faut s'accrocher, ouais. Voilà, faut s'accrocher, faut bosser. Mais là, tu as déjà fait d'autres régions, d'autres villes ? Non. Je suis sorti du collège, du coup, il y a 2 ans. Ouais. Et je suis venu directement chez les compagnons du devoir, donc à Strasbourg, en formation. Bon, et l'année prochaine, il part pour de France. Et c'est ça, l'année prochaine. C'est l'année prochaine qu'il s'en va. Très bien. Et tu penses en faire ton métier ? Tu penses que tu vas continuer après ? Moi, oui, très clairement. Vois, oui, c'est vachement bien, hein. Dis donc, c'est pas mal. Alors, Tom, repasse-moi Benoît. Très bien. Alors, repassez-moi Tom. Je plaisante. Benoît, est-ce que ça marche ? Ça attire toujours les compagnons du devoir chez les jeunes ? Ça le fait toujours ? Ça attire toujours. Et puis, on observe une recrudescence, je dirais, des vocations pour les métiers de l'artisanat, les métiers manuels. Bah c'est bien. C'est une bonne nouvelle, ça. Et les moins jeunes aussi, qui sont en quête de sens et qui nous rejoignent parfois après une licence, un master, pour se réorienter, se reconvertir dans un autre métier. Donc voilà. Ok, donc c'est pas forcément ouvert qu'aux jeunes qui sortent après le collège, voilà. On peut rentrer chez les compagnons du devoir à n'importe quel âge. Alors forcément, on adapte les formations et les sessions. Et c'est un gage de qualité. Bien sûr. C'est un gage de qualité. Parce que quand on dit on fait les compagnons du devoir, après pour trouver du travail, non mais c'est vrai, ça rassure les patrons. C'est un plus. Vous deux, vous n'avez pas fait les compagnons du devoir. Ah non, on n'a rien fait. Vous n'avez rien fait, ça s'entend tout de suite. Benoît Angobel, merci infiniment. Tom, le jeune serrurier compagnon du devoir, merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc, je vous rappelle qu'il y a donc les journées portes. 22 mars, les journées portes ouvertes pour découvrir les compagnons du devoir. Et puis, il y a donc 28 000 entreprises partenaires, 35 métiers, 12 000 jeunes, dont 3 000 qui font le tour de France. Là, voilà. Donc, ça cartonne, ça marche bien et c'est une bonne nouvelle. Les jeunes sont attirés par les métiers manuels. Mon cher Benoît Angeben, vous êtes le prévôt au centre de formation des compagnons du devoir de Strasbourg. Et Tom Serrurier, merci beaucoup. Ici, à midi, avec toute sa tribu, Willy vient déjà. Il est l'heure du petit dernier pour la route, c'est ma tournée, allez. On termine l'émission avec un auditeur, une auditrice, c'est Géraldine. Ça va ma Géraldine ? Oui, bonjour Willy. Comment vas-tu ma chérie ? Tu nous appelles d'où ? De la Somme. De la Somme, très bien. Tu voulais réagir à ce que nous a dit tout à l'heure Karine, qui était infirmière, c'est ça ? Et qui disait peut-être que parfois, s'il y a un petit peu de violence et qu'on explique mal les choses. C'est ça. Alors en fait, je pars d'une expérience personnelle où en vacances en Corse, il y a ma fille qui s'est blessée. On a dû aller aux urgences pour la faire recoudre. Et on est arrivé aux urgences à midi et on est ressorti à 20h. Wow. Donc ça a été extrêmement long. Ouais. Il y avait beaucoup de patients qui arrivaient dans la salle d'attente, etc. Et c'est vrai que la tension commence à monter. En plus, il faisait très chaud. Ouais. Donc voilà. Tout le monde a tendance à se remonter un petit peu. En plus, on voit des gens sortir qui sont arrivés après nous. Donc, et la doctoresse donc, qui nous a reçus, qui a recousu ma fille, a été très pédagogue. Elle nous a expliqué qu'ils n'étaient pas beaucoup de médecins, que ce n'était pas facile, qu'ils essayaient de prioriser. Et je pense que c'est quelque chose d'important parce que donc, c'est pour ça que mes propos rejoignent ce que Karine a dit. Ça permet vraiment d'apaiser. Et même si on a attendu 8 heures, et ben en fait, je suis repartie malgré tout en me disant bon ben c'est vrai, c'est pas de leur faute en fait. Au moins le fait qu'on t'ait expliqué, ça a un petit peu calmé les tensions. Merci beaucoup, merci Géraldine d'être passée nous voir. On t'embrasse très très fort. Non, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement, mais tu te rappelles demain. Rappelle-nous demain. Demain. Allez, c'est fini. Oh non, la barbichette. Thank you. Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 5h. Sois le bienvenu chez moi. Déborah Grunewald. Salut à tous dans le rétro, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à embarquer pour notre voyage spatio-temporel. Chaque semaine, on part en balade avec un invité, on y retrace sa carrière. On se pose des questions que tout le monde se pose sur le boulot, la vie, le bonheur, les échecs, les succès, la tristesse, la joie. On y parle de ses artistes, mais aussi un peu de nous. Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste indomptable et audacieuse, sensible et lumineuse. Bon, elle est... maniaque et obsessionnelle. Bonjour Amel Bent. Vous avez oublié anxiogène. C'est ce qu'on dit parfois. Oui, bonjour. Alors c'est votre sœur qui dit que vous êtes maniaque, contrairement à elle qui est bordélique. Et obsessionnelle, c'est vous qui le dites. C'est vrai. Pourquoi obsessionnel ? C'est le résultat de beaucoup de détermination, en fait. Ah, oh, c'est bien alors ! Oui, c'est l'obsession, mais la bonne obsession. C'est-à-dire que quand je me donne un objectif, j'y vais, quoi. Et ça devient une obsession. Alors parfois, on peut se faire du mal. Ouais. Il faut savoir accepter quand on ne va pas pouvoir arriver là où on voudrait arriver et prendre du recul, etc. Bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à être obsédée. Et anxieuse, encore aujourd'hui ? Le temps, ça va mieux ? Non, ça ne va pas mieux. C'est pas pire. Mais c'est par période, je pense que ça fait partie de moi, c'est comme ça. Maintenant j'en parle et c'est cool de pouvoir en parler. Pendant longtemps je ne savais pas ce que c'était. Donc je gardais ça pour moi parce que je ne savais pas qu'on pouvait en parler, ouais. Que c'était quelque chose que les autres pouvaient comprendre. Et puis maintenant on en parle et ça c'est hyper cool. Depuis qu'on parle beaucoup de santé mentale, etc., l'anxiété c'est quelque chose dont on parle. Maintenant j'ai compris qu'il y avait aussi des stades plus graves, des stades beaucoup moins graves. Je pense que je fais partie de ceux qui le gèrent bien parce que ce n'est pas de la grosse anxiété. Ouais. Mais j'ai des phases anxieuses, ouais. Et puis bon, je deal avec depuis 39 ans maintenant. Enfin, peut-être que je n'étais pas un bébé anxieux, je ne m'en souviens pas. Mais on va dire au moins 30 ans. Amel Bent, ça y est, nouvelle tournée en 2026, 8e album, Minuit 1, un album dans lequel vous allez beaucoup vous livrer. Est-ce que ça a été difficile ? En fait, la période où j'écris cet album a été une période difficile. Et je pense que d'écrire, ça a été les plus belles parties de l'année. J'avais besoin d'écrire beaucoup. C'est un album nocturne, hein, donc c'est vraiment des pensées de nuit, quoi. C'est à la fois des moments de solitude, des moments où de la solitude, finalement, on se retrouve avec soi. Donc, on n'est pas si seul que ça. L'introspection. De l'introspection. Et puis, la nuit, c'est pas que les pensées sombres et dark, c'est aussi les rêves. C'est la pire et la plus belle année de ma vie, 2024. Donc, l'album reflète vraiment ces nuits-là à penser et à rêver. On a pu découvrir déjà deux singles, Décharge mentale et Triste. Décharge mentale, allusion à la charge mentale que doivent supporter les fans. Ah, les fans! C'est un lapsus. Les miens, peut-être. Je sais pas. Non, que doivent supporter les femmes? Après, moi, j'ai pas genré la chanson, mais c'est vrai que beaucoup de femmes se sont reconnues. Ouais. C'est après, en fait, que j'ai intellectualisé et conscientisé ce que j'avais dit. Et à qui ça pouvait s'adresser. Moi, sur le moment, c'est mes pensées à moi, Amel. C'est un peu comme quand je fais ma philosophie. Je parle de moi, de mes rondeurs, de mes espoirs, de mes rêves. Et puis tout à coup, là, ça se dessine grâce à ce que les gens en font quand ils l'écoutent. Et moi, Décharge mentale, je ne pensais pas du tout que ça allait résonner aussi fort. Vraiment, ça m'a plus bouleversée que de l'écrire et de la chanter, quoi. Comme vous parliez tout à l'heure de l'anxiété, finalement, en fait, c'est des choses qui vous sont propres et vous rendez compte que vous n'êtes pas seul et qu'il y en a plein qui vivent la même chose et que vous. Et c'est ça quoi. Qui fait, bizarrement, de manière un petit peu peut-être sadique, de savoir qu'on n'est pas seul dans sa détresse parfois, ou dans ses chagrins, ou dans ses pensées un peu étranges, bah, ça fait du bien. On ne se sent pas anormal. Amel Bent, vous dites « Aucune femme n'est épargnée par cette charge mentale, il est temps de dire stop ». Si on dit stop, il y a le mari, le compagnon, les enfants qui peuvent aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que ça n'a pas dû être facile, notamment pour votre maman. Qui fait le taf quand on dit stop ? Déjà, j'ai la chance. J'ai bien choisi un conjoint qui est un merveilleux papa, qui est mon meilleur ami et qui... Mais rien que le vocabulaire de dire qui aide, déjà, moi, ça, il faut que je le déconstruise. Parce qu'en fait, ils ne m'aident pas. On a fait des enfants à deux, on a choisi notre vie à deux. Donc, il y en a pas un qui doit aider l'autre. Déjà, ça, c'est les premiers trucs c'est à changer. C'est vrai, ça, j'y avais jamais pensé. Moi, quand il me dit, ouais, si je peux faire ça pour te soulager, je pars pas en manifestation. Mais je lui dis, pourquoi pour me soulager ? C'est nous. C'est notre petite entreprise ici. Pourquoi me soulager ? Donc, ça veut dire qu'il y a un postulat de départ qui dit que c'est ma tâche et qu'on va me soulager de cette tâche. Quand moi, je dis dire stop, c'est-à-dire déjà redéfinir même le vocabulaire, etc. Parce que la charge mentale, c'est pas forcément tout ce qui est lié au rationnel et au réel. C'est aussi tout ce qu'on se dit dans la tête. Déjà, rien que se dire que c'est ma tâche, ça, c'est à moi de le faire et que quelqu'un le fasse un peu pour vous soulager, eh ben, il y a déjà une petite culpabilité parce que c'était à moi de le faire. Enfin, on se programme, en voilà. Fait. Voilà. Donc, il y a un gros travail, c'est pas forcément un travail où on va culpabiliser les uns et les autres ou accuser les uns et les autres, c'est déjà soi-même se faire une petite liste dans la liste de tout ce qui n'est pas au départ obligatoirement fait par soi, et si c'est pas soi, c'est un drame, c'est être moins perfectionniste avec soi-même, c'est être moins dur, c'est redevenir plus apaisé, et c'est un travail qui est différent chez toutes et même tous, parce qu'il y a des hommes aussi, j'ai compris avec les retours qu'il y a aussi des hommes qui ressentent cette charge, peut-être différemment, peut-être à une autre échelle, parce que nous on cumule beaucoup avec le physique, les grossesses, les hormones. Enfin, je veux dire, on traverse quand même. Il y a plein de choses dans la vie d'une femme qui rebattent les cartes et on fait avec le boulot, etc. Les enfants, ils réclament les mamans. Même si on peut avoir un papa incroyable à la maison, moi, j'ai pas vu un de mes enfants depuis qu'ils sont nés se faire un bobo et demander papa. C'est maman, maman. Moi, je suis docteur Queen, femme médecin. C'est comme si j'étais médecin. Alors que papa peut très bien le faire. Ouais. Mais il y a ce truc et c'est génial d'avoir ce truc animal et un peu primitif avec nos gamins qui veulent la maman. Quand ils ont du chagrin, quand ils se font mal, quand... parfois on peut pas le faire et il y a ce truc voilà dans la tête où on se dit j'aurais dû être là, comment faire, ça doit être moi. Et donc on culpabilise, on n'arrive pas à lâcher prise. C'est beaucoup la culpabilité, ouais. Et le lâcher prise. Donc c'est vraiment dans la tête. C'est comment nous repenser aussi notre façon de vivre au quotidien pour nous soulager nous-mêmes de ce dont on a besoin d'être soulagé et pas attendre qu'on nous soulage. Amel Bent, un nouvel album donc pour cette année, une tournée des Zénith aussi et Arena en 2026, le minuit une. Tours, coup d'envoi à Lyon le 16 avril 2026, ensuite Montpellier, Marseille, Nantes, Rouen, Reims, Paris à l'Accor Arena le 29 avril. Les dates, on va vous les mettre sur la page de l'émission dans le rétro. Je vous propose justement d'écouter des charges mentales et on revient juste après avec Amel Bent. Yes. Minuit, une heure de mon lit, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime et demain me donne le vertige. Moi, j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison, changer les rideaux du salon, gonfler les pneus de mon vélo. Il faut que je devienne écolo. Aller voir mamie à l'hosto, le temps l'a rendu moins costaude. Dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine et merde, y a plus de liquide vaisselle. Signer les carnets de liaison, acheter des légumes de saison. Me réconcilier avec maman, même si c'est pas elle qui a raison. Putain, je vois plus aucun ami. Une tournée, ça laisse du vide. Et puis faut que j'aille voir un médecin. Moi j'ai peur du cancer du sein. Il y a des trucs, pourquoi je les garde comme des souvenirs que j'entasse. J'ai des factures de 2004, faut que je fasse un tri dans ma paperasse. Et faire ma couleur rapidement, on voit trop mes cheveux blancs. Hier encore j'avais 20 ans, et demain déjà 40 ans. J'aimerais quelqu'un qui parle, qui sache écouter sans me juger. C'est vrai, je travaille pas à l'usine, mais parfois je suis épuisée. Il faut pas que j'arrête de chanter, sinon ma voix va décoter. Et comme parfois par le passé, me remettre en difficulté. Et je voudrais apprendre le piano, la guitare ou le cello. Moi je veux m'accompagner solo, quand mon équipe n'est pas dispo. Dire à ma fille que je suis cruelle, d'être plus exigeante avec elle. Dire aux petits de la comprendre, c'est pas facile d'être la grande. Et je gueule trop quand je suis stressée, mes mômes n'ont rien demandé. Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu. Aussi maman, si j'avais su, 7h10, je suis dans mon lit. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est déjà l'heure du biberon. J'ai pas écrit ma chanson. Décharge mentale, ici sur votre radio, titre déjà dispo et qui figurera prochainement sur l'album Minuit 1 d'Amel Bent, qui est notre invité. Je dis prochainement, mais c'est quand ? L'album ? Surprise, ouais. Ah, c'est au mois de mai. Mais pour l'instant, j'essaye d'être vraiment là où je suis tout de suite maintenant, à l'instant T. Mais c'est encore loin, en vérité. J'ai encore tant de choses à dire et de gens à voir. Donc pour l'instant, vous êtes avec nous ici sur votre radio, c'est dans le rétro. Ici, dans le rétro. Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Faites pas cette tête. Vous connaissez Abdel Halim Hafez? Ah oui. Ouais. Oui. Vous naissez dans le 18e arrondissement de Paris. Votre maman est coiffeuse à l'hôpital Bichat. J'aime bien dire ça. Pourquoi? Parce que je trouve que cet hôpital, au bord du périph, c'est tellement... Je trouve que ça racontait déjà quelque chose, en fait. Amel Bent, votre maman est coiffeuse. Votre père, c'est quoi son boulot à votre naissance? Je crois qu'il est tourneur, fraiseur. Vous grandissez à la Courneuve, dans la cité des 4000, en région parisienne. Votre mère quitte votre père, elle a 28 ans. Vous en avez 3 à l'époque. Le linge est plié, une valise est sortie. Je crois qu'on va partir. Hier, il criait, moi j'étais dans mon lit. Je crois qu'on va partir. Famille décomposée, c'est un titre qui est sorti en 2007. Plus tard, vous dites de votre père, c'est un individu plein de douleurs, plein de remords, qui n'était pas prêt, je pense, à m'élever. Il faut combien de temps pour avoir cette sagesse-là, de se dire ces choses-là? Si c'est trop compliqué pour en parler, on n'en parle pas. Non, attention. Il me faut encore du temps, en fait. Ah ouais. Ouais. En fait, ce qui est étrange, c'est que comme j'étais assez éveillée, même toute petite, puis surtout j'ai une maman qui a beaucoup communiqué parce que j'étais une enfant qui posait beaucoup de questions très petite, donc elle a choisi de me donner des réponses. Et ça, c'est plutôt un beau cadeau. Même quand vous étiez petite? Toute petite, ouais. Et elle me donnait des réponses, évidemment, avec les mots de mon âge, mais je me suis toujours faite une raison. Voilà. Mais se faire une raison, ça veut pas dire accepter au fond de soi, c'est pas la même chose. Je sens qu'il y a peut-être encore une blessure, alors je sais pas si on peut en parler, parce que je voulais aussi faire écouter un extrait de la chanson pour votre papa. Oui. Si vous voulez pas, on le fait pas. Je veux pas que mette. Moi, j'ai dit à mon public que j'avais pas grandi avec mon papa. J'en ai beaucoup parlé dans mes chansons. J'en parle dans beaucoup de chansons. Donc, et puis c'est quelque chose qui est. Je crois qu'il y a 2 enfants sur 3 qui vivent avec des parents séparés. Donc, je veux dire, je suis pas unique en mon genre. Je veux pas vous mettre mal à l'aise ou quoi que ça ce me soit. Met pas, alors vraiment, ça me met pas mal à l'aise. Évidemment, ça m'émeut parce que c'est des sujets vifs, toujours, toute la vie. L'enfant en soi, il reste toujours blessé par le manque et par l'incompréhension. Donc, on peut comprendre avec son cerveau d'adulte, mais la blessure de l'enfant, moi, je pense que ça ne se referme pas. Non, ça se referme pas. Cette douleur liée au manque et à l'absence d'un père, donc vous la chantez, ça s'appelle Chanson pour papa. Ton absence me déchire, j'ai trop besoin d'un papa. J'ai honte de moi, j'ai honte d'avoir. C'est dingue parce que vous chantez que vous avez honte, comme s'il y avait de la culpabilité. Bah c'est bizarre parce que quand j'écris ce texte, je me rends même pas compte de ce que j'ai écrit. J'écris ce que je pense à l'instant T et là je redécouvre que j'ai dit ça il y a 20 ans presque. Et vous dites quoi alors? C'est cette histoire d'hypersensibilité. Quand on voit l'autre en souffrance, on peut pas se dire qu'on n'est pas un peu à l'origine de cette souffrance. Alors que dans le schéma, moi j'ai rien fait, moi je suis un enfant, donc j'ai pas choisi que les gens se mettent ensemble et se séparent. Mais c'est vrai que j'ai porté ce chagrin-là toute ma vie, alors que j'y suis absolument pour rien. Ce qui est compliqué, en vrai, dans moi, dans mon schéma à moi, c'est que j'ai une maman vraiment extrêmement intelligente et merveilleuse qui ne m'a jamais, au grand jamais, je sais à quel point ça peut être libérateur, elle ne m'a jamais, entre guillemets, descendu mon père, par exemple. Elle m'en a toujours dit que du bien, alors que je ne le voyais pas et que je ne comprenais pas pourquoi je ne le voyais pas. Elle m'en disait du bien, elle l'excusait beaucoup. Des années plus tard, je lui ai dit, en fait, je t'en ai voulu parce que toute cette période-là, j'aurais préféré le haïr plutôt que d'être en compassion pure, en fait. Parce qu'on a besoin, quand on est petit, d'avoir un coupable et de comprendre pourquoi on vit cette telle ou telle situation. Et là, j'avais pas de coupable. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'a emmerdé le plus et ce qui m'a rendu le plus triste. C'est de dire, je peux en vouloir à personne, quoi. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Et ma mère, malgré sa propre douleur, elle m'a épargné Mais je crois qu'en fait, ça a brouillé les pistes de bah alors pourquoi vous êtes plus ensemble alors ? Voilà. À Melbent, après le divorce de vos parents, vous vivez avec votre maman une période difficile, sans logement stable, vous résidez en foyer ou chez des proches. Votre mère et vous, vous avez une relation très particulière. Ça veut dire qu'on vous a volé cette enfance de façon involontaire, évidemment. Vous avez eu l'impression de ne pas avoir eu d'enfance ? Ouais, c'est l'impression que j'ai. Encore une fois, c'est la faute à pas de chance, c'est comme ça. Mais quand on se retrouve seul avec une maman dans des conditions un peu compliquées, ben, on compte l'une sur l'autre, malgré l'écart d'âge. Ma mère, elle a fait le choix vraiment de toujours tout m'expliquer pour pas que je sente d'injustice ou... elle n'a pas laissé place au non-dit. Franchement, à 4-5 ans, je savais ce que ma mère gagnait. Je savais combien elle avait d'aide, etc. Ça veut dire que quand elle pouvait pas m'acheter le cadeau d'anniversaire ou de Noël que je voulais... En fait, j'en ai jamais voulu à ma mère parce qu'en fait, je savais très bien ce qu'elle gagnait et je savais à quel point c'était peu. Et donc, le peu qu'elle m'offrait, pour moi, c'était une reine et elle avait fait un sacrifice exceptionnel. J'ai jamais été une enfant qui se plaignait « Ah, pourquoi moi, j'ai pas ci, pourquoi moi, j'ai pas ça ?» Au contraire, je n'ai fait que bénir ma mère tous les jours en disant « C'est la meilleure des mamans avec le peu de moyens qu'elle a. Elle bouge des montagnes pour sa fille, quoi. » Moi, pour moi, ça a été la meilleure façon de faire. Alors certes, oui, derrière, j'ai pas l'impression d'avoir été longtemps insouciante. Mais voilà, ça a fait ce que je suis et c'est comme ça. À Melbent, on continue notre voyage dans le temps. Vous êtes encore enfant, vous êtes à la fenêtre de la chambre, vous regardez le ciel, vous priez, vous dites « Aidez-moi mon Dieu, j'ai vraiment envie d'aider ma mère ». Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un ou quelque chose qui nous dépasse vous a entendu ? Là, fallait me prévenir que c'était... Ah bon ? Vous êtes en train de m'abattre, là. Non, c'est pas méchant, c'est très émouvant. C'est beau. Parce que vous avez une histoire très émouvante aussi. Là, vous avez recueilli vraiment tous les trucs j'ai peut-être disséminés un peu à droite, à gauche. En 20 ans, vous avez tout rassemblé. Et du coup, tout à la suite, ça me... C'est les choses qui nous touchent, en fait. C'est ma vie. Je pense. Après, je peux pas non plus. Et puis, c'est des choses que j'ai dites. Donc, je peux pas faire comme si je l'avais pas dit. Mais ça va, vous êtes bien quand même. Ouais, parce que je vous dis, je veux pas vous mettre... Non, mais sérieux. Après, je vous donne combien à la fin de la séance. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je crois que jusqu'à la nouvelle star, et même les premières années de ma carrière, mon obsession, puisqu'on parlait d'obsession tout au début, c'était de rendre heureuse ma mère. Ce que vous avez fait dès que vous avez pu, vous croyez en votre bonne étoile, mais est-ce que vous croyez qu'on en a tous une ? Moi, je suis croyante, donc je ne crois pas à la bonne étoile, en fait. Je crois au destin et, ouais, et j'ai la foi. Donc, c'est pour ça que je priais, d'ailleurs. Ce n'était pas l'étoile que je priais, c'était Dieu. Et j'ai vraiment prié très fort parce que je voulais qu'on ait une autre vie. C'est pas parce que j'estimais qu'on la méritait plus que d'autres, mais je me disais, par exemple, quand je regardais ma mère, je me disais, putain, elle a tellement morflé. S'il vous plaît, mon Dieu, ça peut pas être que ça, sa vie, quoi. Et si ça devait passer par moi, bah, c'était merveilleux. À Melbent, on va continuer notre voyage dans le temps dans un instant. Vous écoutez ici votre radio. Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois. Moi, je ris, je rêve et je m'en mêle parfois. Sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre où tu voudras. Sur la mer au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change. L'horizon qui se mélange. Les océans qui s'échangent. Vivre sur de rien, mon ange. Ah, je m'arrange. Je dérange. Je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. Je crie, je parle et je m'en mêle parfois. Parfois. Moi, je suis, je sauve et je m'emmerde parfois. Mm-hmm. Sur un coup de tête, je m'en vais. Sur un regard, je le sais. Sur un volcan, je fondrai. Sur les traces d'hier, je renais. J'aime la vie qui change le vent et ses louanges. J'aime quand c'est étrange, quand. Je m'arrange. Je dérange, je mélange. Crois-moi, tout file entre nos doigts. La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi. Bien loin de ça, s'il te plaît, crois-moi. Votre radio locale France Bleu devient ici. Ici, c'est des journalistes et des animateurs qui nous connaissent. Ils sont tous les jours sur le terrain à côté de chez nous. Ici, une radio à vos côtés pour de vrai. Ici, c'est l'actu là où elle se passe, là où on la vit. Vous écoutez ici. Ici, le média qui vit comme nous, comme nous. Ici. Ici. Sur la route, au travail, à la maison. Ici. ICI. Actu locale, musique et bonne humeur. Take your seaside arms and write the next line. Oh, I want the truth to be known. come back again. Rétro ici sur votre radio, elle sera en tournée, une énorme tournée des Zénith et Arena en 2026. Un album aussi à venir, Minuit Une, avec déjà les singles Des Charges Mentales et Triste. Amel Bent est notre invitée. Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald. On change d'époque. Nous sommes au collège, vous êtes une bonne élève, vous aimez vos profs, vos potes, vous passez votre temps à chanter dans les cours. Maria Carré. Dans les toilettes aussi. Dans les toilettes aussi. Ça résonne bien. Bon, pas en plein cours. Si. Non. Ah si, si, si. À tel point qu'il y a des profs qui me laissaient parfois 10 minutes. Amel, t'as 5 minutes si tu veux chanter ta chanson devant la classe. Sérieux ? Ah oui, parce que j'étais intenable, il fallait que je chante. En fait, je me mettais à chanter sans faire exprès en plus. Donc, il fallait absolument trouver des créneaux pour que je puisse m'exprimer parce que sinon... Et pas timide ? Jamais. Ah, jamais. Ouais, c'est venu après. Sérieux ? Ah oui. Quand ? Bah, quand il y a eu de l'enjeu. Quand c'était juste pour le plaisir. Ouais. Alors, on peut le dire, le but en chantant Maria Carré, Aznavour aussi ou Whitney Houston, c'était de faire chialer vos potes. Ah bah c'était la, pour moi, c'était la. En fait, pour moi, ça résumait comment moi je définis le chant, c'est-à-dire absolument comme un miracle. C'est-à-dire, c'est juste de l'air, deux petites membranes qui vibrent entre elles et tout à coup, ça tire une larme à quelqu'un en face. Pour moi, c'est miraculeux. Et déjà très jeune, je trouvais ça miraculeux. Je savais pas si c'était chimique, émotionnel. Enfin, c'est un mélange de tout que j'arrivais pas à comprendre. Tirer une larme, ben, c'était rendre concret ce miracle. Ça veut dire j'avais l'équation et puis j'avais le résultat. Puis un pouvoir, voilà. C'est avoir un pouvoir aussi en quelque sorte. Ouais, il y a quelque chose de c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir, mais un pouvoir, ça sous-entend une supériorité par rapport aux autres. Alors que moi, je me voyais pas au-dessus. Pour moi, c'était une connexion magique entre deux êtres humains. À l'époque du collège, Amel Bent et jusqu'au lycée, vous avez 18,5 de moyenne. Bon, un jour, vous rentrez avec un 20 sur 20 et malgré ça, vous vous faites engueuler par votre mère. Bah oui, parce qu'il y avait des ratures. Il y avait du typex, trop de typex. Je crois que ma maman, elle avait besoin aussi d'exister dans ma scolarité. Elle a commencé à travailler, elle avait à peine 15 ans. Faut imaginer qu'à la moitié du collège, j'avais déjà dépassé son niveau scolaire. Donc en fait, pour pouvoir me dire des trucs, elle checkait en fait la propreté, si j'étais soigneuse et sur mes documents quoi. Et puis l'échec, c'était pas une option, je pense en plus. Non. Ouais, elle était pas. En fait, ça c'est la question s'est jamais posée parce que j'ai toujours été bonne élève. Donc en fait, ouais. On n'a jamais parlé. Ça n'a jamais été un sujet l'échec parce que ça c'était pas un sujet pour moi. C'est bien parce que c'est un souci en moins quand même. Quand aujourd'hui, quand la vie oui, est difficile, elle le dit. Quand... Ah ouais, c'est elle clair. Le dit. Elle dit franchement, pour les trois, hein, mon frère et ma sœur aussi, mon frère un tout petit peu moins que ma sœur et moi, mais elle a toujours dit ça, d'avoir eu des enfants qui aimaient l'école, c'est quand même magnifique. Je m'en rends compte, elle dit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de votre QI ? Sachant que le QI moyen se situe entre 85 et 115, vous êtes bien au-dessus de la moyenne. Vous êtes donc HPI, haut potentiel intellectuel. Vous l'avez su assez récemment, je crois. très tard. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que le fait d'avoir été diagnostiqué, ça explique certaines difficultés ou au contraire, certaines prédispositions sur lesquelles vous pouviez vous interroger à l'époque ? On en parlait à ma mère à l'école petite, on a voulu me faire sauter des classes, elle ne voulait pas. Pour elle, sauter une classe, c'était faire des vagues, en fait. Il fallait être comme tout le monde. Donc, elle n'a pas voulu. En fait, ça a expliqué plein de trucs de moi que je mettais sur le compte du peut-être parfois un peu mauvais caractère ou un peu trop têtu ou les obsessions. Par exemple, si on n'a pas utilisé le bon mot, moi, ça peut aller très très loin. Ça peut me faire pleurer. Ah ouais. Dans une discussion, si je comprends pas le mot qu'on dit, si c'est pas le bon mot utilisé, enfin franchement, ça peut partir dans une vraie bataille. Et comment les gens réagissent dans ces cas-là ? Bah maintenant ils disent ah bah attends, elle est HPI, on va pas s'emmerder avec elle. Mais avant, c'est important. Qu'est-ce que t'es têtu ? Oh tu lâches pas le morceau. Et alors t'avais bien compris ? Et moi j'ai vraiment pas compris. Ça c'est par exemple un trait de caractère que j'ai. Mais du coup maintenant je sais que c'est lié à ça. C'est vraiment les mots. Leur sens, la charge émotionnelle qui va avec. Et quand c'est mal utilisé, chez moi, c'est une déflagration. Je ne suis pas surdouée, je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un. Oui, parce qu'on associe souvent le HPI au fait d'être surdouée. Et c'est pour ça que les gens ne vont pas se faire... diagnostiquer. Détecter, parce qu'ils pensent qu'être surdouée, c'est absolument être un génie, réussir sa vie, avoir des bacs plus 18, travailler à la NASA. Enfin, ce n'est pas forcément ça. En fait, ce n'est pas une quantité d'intelligence, c'est une qualité d'intelligence. Ça veut dire que... Et en plus, ce n'est pas sur toutes les intelligences. C'est-à-dire, moi, par exemple, en 3D, je suis nulle à chier. Ouais, je ne sais pas me repérer en 3D. Genre un Rubik's Cube, pour moi, c'est une équation insolvable. D'accord. Mais par contre, la logique, des suites logiques, etc. Là, je suis une flèche. Les énigmes, en fait, j'ai un esprit logique imparable. Ça permet de se lire. Et ça permet aux autres aussi d'avoir un peu une notice. Bon, je pourrais vous en parler des heures, de tout ce que ça engendre dans le quotidien, mais ce n'est pas très intéressant. Mais... Si, justement, c'est très intéressant, c'est bien d'en parler, mais effectivement, il faudrait du temps pour en parler. Parce mais c'est qu'on un sujet, quoi. Ouais, complètement. C'est un sujet. Amel Bent, on continue notre voyage dans le temps. Nous sommes en 2004, on est dans le train qui vous emmène à Lille pour passer les auditions Nouvelle Star. Bon, on va pas dire que vous avez fraudé dans le train, non ? Moi, j'ai pas vraiment fraudé. J'ai payé plus tard. Ouais, d'accord, j'ai fait un prêt. D'accord. Bon, on dit c'est par vrai, contre... je vous jure. C'est vrai. J'ai eu une amende et j'ai payé mes amendes à vous mon en avez premier payé plusieurs. Chèque. Ouais. Oui, oui. Mon premier chèque, je me suis acquittée de toutes mes amendes. J'ai jamais payé le métro, donc... Mais oui, mais parce que votre maman avait pas pas les moyens. J'avais de un ticket de temps en temps, mais c'est vrai que j'avais pas, on pouvait pas avoir le passe machin pour les à l'année. Passe Navigo, tout ça. Exactement. Bon, on dit par contre que vous aviez gardé vos fringues dégueulasses avec lesquelles vous aviez dormi dans la rue la veille. Non. C'est pas. Mais j'avais pas dormi. Est-ce que ça compte ? Non, mais je dis dégueulasse. J'étais mais c'est sur pas la vrai, même j'étais... journée. Non, mais surtout, je suis maniaque. Donc voilà. Bon, voilà. 2004. Donc, vous avez 18 ans. Vous faites face au jury de Nouvelle Star, Dove Atia, Manu Katché, André Manoukian et Marianne James. Je souhaiterais entendre quelque chose en français. En français ? En français ? La bohème de Charles Aznavour, par exemple. La bohème. La bohème. Ça voulait dire. On est heureux, la bohème. Casting réussi, ça marque un tournant dans votre vie. Vous avez le sentiment de vous être battue pour en arriver là ? Dire que je me suis battue pour en arriver là, je trouve que c'est pas super cool pour les gens qui se battent vraiment des années, ouais. En fait. Notamment mon idole Aznavour, à 18 ans, il a pas eu la chance que moi j'ai eue. Donc... Mais vous vous êtes battue quand même. Oui, je me suis battue en général, ouais, en fait. Voilà. Mais je trouve quand même que par rapport à la musique, j'ai eu de la chance quand même. C'est arrivé vite, c'est arrivé tôt. Enfin, je veux dire, mes prières, elles ont été entendues, quoi. Amel Bent, Nouvelle Star, c'est en 2004. Aujourd'hui, en 2025, on s'apprête à découvrir votre 8e album, Minuit 1, qui sera accompagné d'une tournée en 2026. Les réservations sont ouvertes. Et je vous propose d'écouter le titre qui vous a fait connaître. Voici Ma philosophie, c'est dans le rétro, ici sur votre radio. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi, gré de peine. injures incessantes. Moi, je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles. Qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, lever le torse. Sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Amel Bent, ma philosophie, ici dans le rétro. Amel Bent, notre invitée aujourd'hui. Ici, dans le rétro. 2007, Amel Bent, l'album A 20 ans. 2009, 2011, 2014, trois autres albums extraits. Et qu'est-ce que j'ai fait, où je vais, ce poème, d'un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi, je ne sais pas, je suis comme Donc 2009, 2011, 2014, téléportation, on appuie sur le bouton. Oh. 4 février 2016, cette fois. Nous sommes à la maternité. Le bébé qui pleure, c'est Sophia. Enfin, c'est pas vraiment elle. Hein. On n'était pas planqué quelque part pour l'enregistrer. Sophia, c'est votre petite fille. Vous devenez maman. Aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Vous dites qu'ils vous ont sauvé. Sauvé de quoi ? En fait, ils m'ont donné ce dont j'ai manqué le plus. Hein. C'est-à-dire une famille composée. Ouais. Voilà, j'ai eu une famille décomposée, puis une famille recomposée, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur. Et d'avoir mes enfants... Un soutien, d'avoir quelque chose de... Non, juste leur existence, en fait. Juste leur existence, elle a rempli un vide, elle a soigné quelque chose, je sais pas dire. Il y a eu un avant et un après pour moi. Pas d'angoisse, pas de stress. Avec pas eux de... Ouais. Jamais. Même au moment où ils sont nés. Jamais. Ma mère, elle m'a dit, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. On dirait que j'étais née pour être mère. Ça a été... Même mon mari, il a eu peur à la maternité, comment j'ai pris ma fille comme ça. Il m'a dit, attention et tout. J'ai dit, mais t'inquiète pas. En fait, c'était dans mes cellules. Je savais tout faire. J'ai rien. Le pédiatre, c'est lui qui me dit, quand est-ce que vous nous les amenez de temps en temps qu'on les voit ? Vraiment, c'est-à-dire que mes enfants, c'est une extension de moi, c'est mon rêve éveillé, je connais tout. Enfin, je sais pas. Vous vous en doutiez ça ou pas avant d'être maman ? Non, je m'en doutais pas. Ça s'est déclenché au moment de la naissance, quoi. Ça s'est déclenché au test de grossesse. Ah, au test de grossesse. D'ailleurs, j'ai tout arrêté. J'étais en train de faire un album. J'ai dit à la maison de disques, j'arrête là, je chante plus. D'ailleurs, j'ai pas chanté pendant 3 ans. Le monde s'est arrêté de tourner. Il y avait que ce bébé qui grandissait, qui était important pour moi. Et je savais à quel point ça allait tout bouleverser pour moi, vraiment. Alors, il y a Amel Bent, la maman, et Amel Bent, l'artiste. Les deux réunis, ça donne ce titre. Si vous n'étiez plus de ce monde, je n'en aurais plus rien à faire. Si je n'entendais plus vos rires, je n'aurais plus rien à perdre. Sans vous, mes anges, ce serait l'enfer sur terre. À quoi me servirait de vivre si je n'étais plus votre mère? C'est un des rares textes que j'ai écrit. Vous avez parlé alors qu'on entend la voix. J'ai fait exprès, j'ai pas envie d'entendre c'est ma fille parler. Ouais. Vous chantez avec les tripes d'une mère follement aimante. Est-ce qu'on peut dire qu'être mère, c'est aimer à en crever? Est-ce que ça s'explique d'ailleurs? Oui, j'ai pas de mots parce qu'en fait, on essaye d'y mettre des mots. Mais je pense pas qu'il existe des mots qui soient assez forts. C'est pas forcément fort, mais qui soient fidèles à ce qu'on ressent, en fait. C'est trop bizarre. C'est à la fois cette folle responsabilité de se dire on a mis des êtres humains au monde, qu'à un moment donné, on va lâcher. Et en même temps, c'est incroyable de se dire on peut donner la vie. Enfin, je veux dire, ce que je dis, c'est tellement bateau, mais le vivre, c'est franchement, c'est une aventure, quoi. Et c'est une aventure en continu. Je veux dire, il n'y a pas un moment où ça s'arrête. C'est tous les jours, à chaque heure, à chaque minute. Il va peut-être y avoir quelques galères, hein, par moment, quand même. Oui, mais franchement, il y en a déjà eu, en vérité. Ouais. Un enfant, on est sans cesse entre. On a en admiration, et puis après, on est. J'en peux plus, je suis contente de le déposer à la crèche. Il faut que je prenne des vacances de lui ou d'elle, 2 minutes. Et puis après, c'est les mettre au lit, être pressé qu'ils s'endorment pour pouvoir faire autre chose. Une fois qu'ils dorment depuis 2 heures, c'est se dire, il nous manque et d'avoir envie de les réveiller. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai ressenti vraiment que là, pour le coup, la cartésienne, elle disparaissait complètement. Et là, c'est l'animal, quoi. C'est animal. C'est ce que j'allais c'est dire quand bizarre. Vous en parlez. Ouais. C'est quelque chose que j'arrive pas à verbaliser. C'est comme ça. C'est pas de l'amour. C'est pas, je sais pas ce que c'est. L'amour, ça nous dépasse. Ouais, ça me dépasse. Et franchement, je comprends. Ma mère, elle me disait, tu sais, elle est d'une autre génération, mais elle me disait, faire des enfants, c'est aussi une manière d'accepter de plus de perdre ses parents, par exemple. Et moi, quand elle me disait ça, pour moi, c'était atroce qu'elle me disait. Je disais, ah ouais, parce que maintenant, tu m'as, donc tu arrives à dire qu'un jour, tu vas perdre ta mère, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, pour moi, l'amour ultime, c'était l'amour que je porte à ma mère. Il ne pouvait pas y avoir plus gros que cet amour. Et quand elle me disait ça, ça me rendait triste. Je ne voulais pas. Je voulais et pas ensuite, y croire. Vous avez compris. Ah ben, quand mes enfants sont nés, en fait, j'ai compris ce que c'était la peur de. Avoir envie de mourir avant quelqu'un, en fait. Voilà. Ça, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Je ne veux pas partir avant mes enfants. À vos fils. Après titre... mes enfants. Pardon, après. Excusez-moi. Vous avez dit quoi? Avant. Avant. Je ne veux pas mourir après mes enfants. Voilà. Ce titre, À mes filles, il est sur l'album Demain, un album avec des chansons dures mais puissantes, avec un Je t'aime de votre fille pour le clore. Amel Bent, vous restez avec nous? Oui. On revient dans un instant, c'est dans le rétro ici sur votre radio. Cassé en vrac sur un zodiac, dans le ressac des chaussures dans un sac. Aura des lampes, des vies qui tentent de s'accrocher à des rochers. Est-ce un péché de repêcher des semblable. Dans un regard pris dans l'effort, il y a l'espoir et tant d'histoires. Une terre qui brûle ou des fusils qui we'll 20 heures qui m'avait bouleversé. Cette main tendue, je l'ai donnée juste en pensée. Je sais, c'est une goutte d'eau dans une mer traversée. Traverser des drames ou bien traverser des fleuves. Traverser des mers ou traverser des épreuves. Sans distinction de nation, de couleur, de classe. Un homme à l'eau, c'est toute la terre qui boit la tasse. h 14h, c'est dans le rétro et nous sommes ici avec Amel Bent. Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald. En 2021, Amel Bent, on découvre l'album Vivante avec un duo avec Attic. Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Mais mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le-moi. Un, deux, trois. Est-ce que vous avez déjà aimé passionnément ? Ah oui. Et quand on dit que la passion détruit, vous trouvez que c'est destructeur ? Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il faut que ça se transforme, quoi. Par exemple, mon mari, ça a commencé très passionnel, et puis après ça s'est stabilisé en une forme d'amour, d'une amitié amoureuse ou d'un amour amical, je ne sais pas comment dire, mais il peut y avoir de temps en temps des reliquats de passion du début, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus apaisé, quoi. Et moi ça me plaît, moi je rêvais de la routine. Alors franchement, je sais que les gens ont horreur de la routine. Moi je c'est tout ce que je souhaitais dans ma vie, c'était parce d'avoir... que c'est rassurant. C'est pas ça, c'est que j'ai pas forcément été on va dire facilité dans ces parcours là amoureux, etc. Et je pense que c'est aussi dû à mon parcours, voilà. Et justement, j'avais besoin de certitude, en fait. Rien d'autre, juste la certitude que demain, ça va être comme hier, et c'est super, quoi. Vous attendiez l'amour ? Depuis toujours. Quand on a manqué d'un père, en général, ça laisse des séquelles pour une fille, en tout cas, ça je pense. Ça peut faire l'inverse. Moi, j'ai été à la recherche désespérée d'une figure masculine, et vraiment que pour l'amour. Parce que les femmes, moi, de ma famille et qui m'ont élevée, elles sont fortes, elles sont incroyables, elles sont puissantes, et elles m'ont donné tout ce dont j'avais besoin pour être une femme forte et avancer dans la vie. La seule chose qui me manquait, c'était l'amour d'un homme. Un homme qui me dit « je t'aime » pour de vrai, et qui me dit « t'es belle » pour de vrai. Ce que je vois, par exemple, de mon mari avec mes filles, avec ses filles, moi j'ai pas connu ça. La première fois qu'il a dit qu'est-ce qu'elle est belle ma fille, oh, je t'aime ma fille, je me suis mise à pleurer. Il m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis que je connais pas, je sais pas ce que c'est nouveau pour moi en fait de voir un papa dire ça à sa fille. Et c'est ouf que ce soit ma fille et que ce soit toi. Je suis trop heureuse en fait de pouvoir le vivre. Alors c'est pas moi la petite fille, c'est pas mon père, mais je le vis par procuration et ça me soigne, c'est merveilleux. Et je me dis mes filles, elles auront peut-être pas le même vide, et elles chercheront peut-être pas comme ça, de manière pas forcément bonne pour elles, l'amour d'un homme. Moi, je me dis, mes filles, elles vont... Le premier mec qui va venir, qui va dire « je t'aime, t'es trop belle », elle va dire « ouais, je sais, mon père, il me le dit depuis que je suis née, en fait ». C'est une chose que moi, j'ai pas pu dire. Amel Bent, on appuie sur le bouton téléportation. On est en février 2025, on allume l'autoradio, on entend ça. Ce titre, c'est triste, c'est la dualité entre la tristesse et l'espoir. Est-ce qu'il y aurait pour vous des chagrins insurmontables dans la vie ? Je pense que en même temps, j'ai des exemples qui me disent que non. Mais est-ce que le chagrin, il se surmonte vraiment ? Je crois que les gens apprennent à vivre avec. On cohabite. Moi, je pense que les vrais gros chagrins de la vie, les gens vivent avec. Mais je ne sais pas si on peut se... Si on peut les surmonter. Ouais, je ne sais pas si on peut... Je parle des chagrins. Voilà, moi, j'ai une tante, j'ai perdu un cousin, par exemple, tout au début, juste avant que je fasse La Nouvelle Star. Moi, l'image de mon oncle et de ma tante enterrer leur fille, je me suis dit, ils ne vont jamais s'en remettre, ce n'est pas naturel. Ça peut être ça, le chagrin normal. Et pour moi, ça, c'est le chagrin insurmontable. Et pourtant, ma tante, c'est une force de la nature. Elle a deux autres enfants, elle est mamie aujourd'hui plusieurs fois. elle danse, elle chante, elle rit, mais je vois dans le fond de ses yeux que voilà, c'est une femme qui a perdu un fils, quoi. Il y a quelque chose qui a changé en elle, donc je ne pense pas que ce soit réellement surmontable. Mmh. Aujourd'hui, elle vit avec ce chagrin. Amel Bent, on termine notre voyage avec un artiste qui a profondément compté dans votre vie. Mourir d'aimer. Charles Aznavour nous a quittés en 2018. Vous l'avez vu 3 jours avant, sans imaginer une seule seconde qu'il allait mourir. Vous lui avez fait écouter ce titre. Où résonnait sa voix ? Je ne comprenais pas tout, mais entre chien et loup, il me berçait tout bas. Ses notes comme des lumières éclairaient mon hiver, me donnaient du courage pour chanter comme lui et rêver de Paris. Vous terminez cette chanson en lui disant « Charles, merci ». Aujourd'hui, je suis certaine que vous aussi, vous avez beaucoup compté dans la vie de certaines personnes. Si vous pouviez glisser à l'oreille quelques mots à celles et ceux qui vous écoutent les jours où ça va mal, où c'est difficile pour eux, qu'est-ce que vous leur diriez ? Waouh. C'est plus facile de le dire en chanson ? Bah, je crois que c'est pour ça que je chante. Hein. Ouais, bah ouais. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai la foi. Donc y a une phrase que ma grand-mère me disait et qui est intimement liée à la foi. C'est qu'elle disait « Dieu ne nous impose jamais des épreuves qu'on ne puisse pas surmonter ». Et ça, j'y crois. J'y ai toujours cru. C'est un mantra qui est important pour moi. Donc quand il arrive une épreuve, quelque chose de difficile, un passage difficile, je garde la foi. Et je me dis... que de toute façon, par nature, je vais surmonter. Parce qu'il n'y a rien que je ne puisse pas surmonter comme épreuve. Donc c'est la foi, mais après la foi, ça peut être la foi aussi en soi, la foi en l'humanité, la foi en la famille, en l'amitié, en l'amour, au lendemain. En tout cas, il ne faut jamais cesser de croire. Merci Amel Bent. Merci beaucoup. En parlant d'elle, elle parle aussi de nous. Triste et Décharge mentale, ce sont les 2 singles qui annoncent l'arrivée de son nouvel album. Il y a la tournée en 2026. Vous pouvez déjà réserver Paris à l'Accor Arena le 29 avril. Dans le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a forcément une date du côté de chez vous. Cette émission et celle avec tous nos autres invités, c'est en podcast. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut. Soleil contre moi. Je désarme arme blanche. 1986 avec l'une des 12 pistes figurant sur l'album Pop Satori, sur lequel on retrouve également l'excellent Tombé pour la France, Étienne Dao sur votre radio ici. C'était bien sûr Duel au soleil. Ici, dès 6h. Tout comme nous, vous êtes déjà debout ce matin et déjà relié à nous par le biais de votre radio. Sachez qu'on vous accueille avec beaucoup de plaisir. Présentation de votre équipe du dimanche. Stéphane à la rédaction en chef, ça c'est fait. Arnaud à la technique, check comme on dit. Florentin au standard et l'actualité c'est avec Valentine Letesse. Bonjour Valentine. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Valentine, dans l'actu ce matin, on a du foot. Et une équipe de France condamnée à l'exploit pour poursuivre en Ligue des Nations après une défaite cinglante en Croatie au match aller. Et on en parle dans un tout petit instant. Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région. Dimanche 23 mars, très bon réveil à nos côtés. Bienvenue, il est 6h. Les infos, Valentine Letesse et à la une, les Bleus qui partent en mission. Pas impossible, mais difficile. Battu 2-0 par les Croates en quart de finale aller de Ligue des Nations, l'équipe de France de foot est condamnée, je vous le disais ce soir, à l'emporter avec 3 buts d'écart au match retour. De quoi rappeler Nicolas Perronnet un certain France-Ukraine. Rien n'est vraiment comparable, ni l'enjeu, ni la tension, ni les conséquences. Et pourtant, c'est le refrain qui tourne en boucle depuis jeudi soir. Imiter les Bleus de 2013 qui avaient tout renversé à domicile en barrage du Mondial, malgré une défaite 2-0 4 jours plus tôt en Ukraine. Le match avait été fondateur pour le mandat de Didier Deschamps et le sélectionneur sait que ce soir, il faudra un peu de ces ingrédients-là. La force, l'envie, elle sera là, forcément, de par le contexte, d'être là chez nous, 80 000 personnes. Faire en sorte de les amener avec nous, il nous faudra être efficace et imperméable défensivement. En clair, tout ce qui a manqué à Split, créer enfin de l'électricité, dans l'air, de la folie, dans les tribunes, tout en gardant la tête froide pour le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni. Je pense qu'il faut y croire et surtout rester calme par rapport à tout ce qui peut se dire et tout ce qui se passe autour parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup d'engouement autour de ce match-là. Mais voilà, on sait qu'on doit rester calme tout au long du match, toujours se dire que c'est possible et faire le nécessaire pour inverser la tendance. Et surtout, s'éviter une avalanche de critiques à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde. Et nous serons en direct du Stade de France dès 20h30 pour suivre cette rencontre France-Ukraine. Le coup d'envoi du match, c'est à 20h45. France-Croatie, pardon. Plus de 90 000 manifestants hier contre le racisme, Valentine. Et des manifestations dans toute la France, dans un contexte de forte hausse des crimes et délits xénophobes ou anti-religieux. Exemple encore hier à Orléans, où dans l'après-midi, Patricia Pourrez, un rabbin a été agressé en pleine rue. L'agression a eu lieu en début d'après-midi dans une rue du centre-ville d'Orléans. Le rabbin venait de célébrer la prière du sabbat à la synagogue. Il rentrait chez lui avec son fils de 9 ans quand un individu lui a foncé dessus. Selon des images filmées par un témoin de la scène et que ICI Orléans a pu consulter, l'agresseur donne des coups de pied, des coups de poing, tout ça devant l'enfant du rabbin. Un passant finit par s'interposer et l'agresseur quitte les lieux tranquillement. Le rabbin a déposé plainte dans la foulée et à son tour, le parquet d'Orléans a décidé d'ouvrir une enquête pour violence volontaire commise en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion. L'auteur des faits, un jeune d'une vingtaine d'années, est lui toujours recherché par la police. Et une enquête est ouverte pour violence volontaire commise en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion. Tous sont sortis de l'hôpital, mais les images de l'accident sont impressionnantes. 10 policiers blessés hier dans un carambolage, dans une course-poursuite pour rattraper le conducteur d'une voiture à Paris. Il a grillé un feu rouge avant d'en percuter un autre. 3 voitures de police se sont ensuite encastrées les unes dans les autres juste avant 6h du matin. 6h04, vous écoutez ici une fuite sur un réacteur de Flamanville. Pas sur l'EPR, nouvelle génération, mais sur un ancien réacteur à eau de la centrale numéro 1 en plein redémarrage après 3 mois d'arrêt pour cause de maintenance. Une fuite de vapeur d'eau a donc été détectée sans conséquence sur le personnel ou l'environnement, précise la direction. Le retour aujourd'hui du pape François au Vatican, après 5 semaines d'hospitalisation pour une pneumonie. Une longue convalescence attend maintenant le pape de 88 ans. Au moins 2 mois de repos, notamment pour retrouver l'usage de sa voix. Mais les nouvelles sont donc plutôt rassurantes. Et c'est le dernier jour aujourd'hui du SIDAction. Un peu plus de 3 millions d'euros ont déjà été collectés ce week-end pour soutenir la recherche contre le VIH. Une maladie avec laquelle on vit aujourd'hui et malheureusement malheureusement devenue banale dans l'esprit de beaucoup. Les jeunes notamment, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, un tiers des adolescents de 15 ans actifs sexuellement n'utilisent pas de préservatif. Loin des statistiques, Léa, 17 ans, le constate dans son quotidien de jeune femme. Des garçons que j'ai rencontrés qui veulent pas mettre de préservatif, c'est aberrant. C'est quoi la raison ? C'est « Oh, je sens rien, etc. » Mais c'est pas mon problème. Tu vas te faire tester ou y'a rien. Je les rembarre, hein, c'est mort. Ils ont la flemme, en fait, ils sont pas assez renseignés, et puis ils comprennent pas l'ampleur des choses, des dangers, on va dire. Les protections sexuelles, ça existe pour une bonne raison. Le préservatif, c'est bien parce que ça protège de beaucoup de choses, des grossesses indésirées, des maladies sexuellement transmissibles et tout. Je vois des fois des amis qui me racontent des trucs et je dis « Mais faut se protéger, c'est important, sinon allez vous faire tester. » Ça prend une heure dans votre vie et puis les résultats sont rapides. C'est pas compliqué, c'est gratuit aussi. La banalisation du sida, c'est l'info d'ici ce matin dans une demi-heure. Et pour soutenir la recherche contre le virus, vous avez jusqu'à ce soir. Et pour donner par téléphone au 110, sur internet ou bien par SMS, vous envoyez don, D-O-N, au 92-110. L'actu d'ici toute la journée, c'est sur ici.fr. Ici.fr. La météo de ce dimanche 23 mars, plutôt maussade, François-Xavier, cette deuxième partie de week-end. Et oui, Valentine, toujours cette perturbation ce matin avec des averses continues sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire. C'est le cas également dans le sud du Massif central et les Pyrénées, des ondées possibles de l'Alsace au nord des Alpes. Partout ailleurs, le temps devrait rester globalement sec, sans toutefois être totalement épargné par quelques gouttes de pluie localement, donc dans les autres régions. En après-midi, ça reste instable. Eh bien oui, des averses orageuses pour les Pays de la Loire, de la pluie dans le nord-ouest mais aussi pour le massif des Pyrénées et la Corse et puis la neige de retour sur les Alpes. Voilà pour le topo. Vos températures, ça se rafraîchit un petit peu ce matin mais ça reste acceptable on va dire pour la saison avec 8 degrés à Vichy, 9 pour Alençon, 11 à Cherbourg et 3, 12 à Biarritz, 13 à Lille, Périgueux et Perpignan, 14 à Nice, 17 à Calvi et au meilleur de la journée les valeurs seront comprises entre 12 et 17 degrés et la palme pour vous auditeurs d'ici RCFM sur l'île de Beauté. Ici, actu locale, musique et bonne humeur. 6h07, vous écoutez ici, passez un très bon dimanche avec nous. Eh ben, monsieur Bobo, ne prends pas Bibi pour une imbécile. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un extrait des 12 paroles que me susurre Valentine Letesse à mon arrivée à la radio chaque week-end ? Non, hein. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Bienveillance, Valentine Letesse, toujours, en toutes circonstances. Extrait de ce titre que vous pouvez écouter de bon matin avec nous et qui vous donne une impulsion positive pour toute la journée. Voici Zouk Machine avec Maldon.